les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Les sept boules de cristal, les sept mains, les sept doigts de la main. Enfin bref. L'histoire devra désormais inscrire la septième saison de Koé sur IRJ. Il est de retour, encore plus fou et plus beau aussi, faut bien l'avouer, avec son équipe de dingue. Julie et ses sept stagiaires virés, Pietre et ses 7 ans, Guéguette et ses 7 rangées de dents, Loris et ses 7 arrestations, Mika et ses 7 secondes, et Stouff et ses 7 seins. Quoi? Elle en a que 2? Ah, j'aurais dit plus. Préparez-vous à une saison mémorable. Attention, je déclare cette nouvelle saison ouverte dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, balance le générique. Ah, quand même. Ladies and gentlemen, eh oui, 7 comme les 7 doigts de la main. Évidemment. Bon, j'espère que tout va bien. Merci le public, merci d'être avec nous. Ça y est, on est reparti. On est là. Et donc, vous allez pouvoir venir nous voir tous les soirs en public dans notre studio. Oui. Vous allez être les bienvenus. Vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez pouvoir être là. Vous allez pouvoir nous voir. C'est oh. Les ah, putain, commence nous. On l'a gardé lui. Ce mec ne m'avait pas manqué du tout. Par contre, il y a moins de budget confetti aussi. Oh là là, c'est des miettes là. Ah, ça y est, il y a des confettis déjà partout. Vous avez remarqué, saison 7 avec des jingles très courts. Oui. Hein, on a décidé de faire cette. Ah oui, il était beau, hein. Attention, bravo. Psycho, c'est toi qui l'a fait? Non. C'est bien, c'est pour ça qu'il était beau. J'étais étonné, j'ai demandé si c'était toi qui l'avais fait. J'espère que vous avez passé un bel été, tout le monde. Et on est en live sur Facebook Live. Oui. Bonjour, vous qui nous regardez sur Facebook de chez vous à la maison, ceux qui nous suivent sur Twitter aussi, merci pour le TT parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de la journée. Ouais. On est, non, je dis début de la journée, c'est de respecter s'il te plaît. Okay. Ça fait 7 jours qu'on est donc en TT. Avec hashtag Koé saison 7. Ouais. Merci à vous, en tout cas, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. On vous demandera tout à l'heure au fur et à mesure si tout s'est bien passé. On demandera aux gens du public. Pendant que je parle, je suis en train de faire un petit peu de ménage. Surtout là pour Facebook Live, c'est bien là, avec les petites confettis sur les cheveux, ça te fait un merveille. Ah, sur les cheveux, il a encore des cheveux voilà. Sur la tête. Voilà. Donc, sinon, Julie, t'es encore là toi? Ouais, je suis encore là. Bah, c'est bon, avec des vannes comme ça, on pourrait rester longtemps. Sinon, les vacances étaient comment, Julie? Très bien. C'est vrai, t'as j'ai fait kiffé. Quoi? Non, je suis allée à la montagne, la mer, j'ai tout fait. Mais c'est génial, Julie. Bah ouais, avec mon fils, bien sûr, et mon mari. Bien sûr. Donc tu t'es fait chier, quoi. Non, pas du tout. Ça va, mon Pietre? Ah ouais, ça va, impeccable. Julie, elle a le bronzage des mamans. Parce que vous avez remarqué, les mamans qui ont des enfants en bas âge, quand t'es plus maman en bas âge, tu vas à la plage à midi, tu vois, tu te mets au soleil. Ouais. Et quand t'as des enfants en bas âge, tu y vas. Après la sieste, quand il est 16h et que le soleil retombe. Résultat, toutes les mamans qui nous écoutent, qui sont avec leurs enfants, elles sont dans la bagnole, elles font « Il a raison, putain, je suis pas bronzée. » C'est fini le bronzage, Je suis bronzée quand même, tu rigoles. Pietre, t'as fait quoi? Beaucoup la fête. Ouais. J'ai vu passer des photos à Saint-Tropez, bravo. Ouais, c'était bien. Bali, tout ça, du sport, machin, de la découverte, Man versus Wild. Il nous fait rêver, hein. Très bien. Guéguette, bienvenue dans l'émission, encore que saison 7 aussi, allez. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai eu des looses. Tu nous en fais une ou deux? Ouais. Toi aussi t'es blanc comme un cul, mon pote. Un cul de Norvégien. Un cul de Norvégien qui a resté bloqué dans un magasin Ikea et qui a tourné tout l'été. Parce que je suis maman. Dans les vacances c'était top. J'étais en Corse et dans le sud. Par contre, c'était. J'ai eu plein de loose en fait tout le temps, voilà. Des enchaînements de loose. Je me suis fait une entorse qui m'a niqué 2 semaines de vacances. Où je venais d'acheter une petite motocross et j'ai pas pu en faire. J'ai eu une grosse galère des impôts et à quelqu'un qui m'a volé un chèque destiné aux impôts. Ah oui, qui est encaissé sur un autre compte. Ah, c'est... Il a changé le nom. C'est l'excuse que t'as dit aux impôts. Ça a marché ou pas? Mon truc. Je sais pas, il y a un mec qui m'a volé le chèque. Le mec il s'appelle Trésor Public. Il s'appelle Jean-Michel Trésor Public. Et il a rajouté Blic. Et c'est passé tout seul. Ah là là là là là. Et je me suis fait casser la voiture. Ah, bien. T'as fait casser l'auto? Ah, j'ai cassé l'auto. Et les lunettes, ça c'est dans la boîte, d'accord? Ah, c'était dans l'auto. Ah, bien sûr, c'est dans l'auto, hein. Ah, je ne veux plus ce quartier, je ne veux plus toute cette violence. Bon, j'ai kiffé quand même. Mais on en parlera tout à l'heure, j'en peux plus, hein, de me frotter depuis tout à l'heure et d'enlever tous les trucs qui piquent. Mais tu brilles en plus, il y a des paillettes. Au standard, passez-nous un coup de fil, 0870 42 48, c'est gratuit. Oui. Vous aurez Stouff, on a un numéro plus court, non? Non. Non, ça, je pense que le 2. Il est gratuit. On n'a pas un numéro genre le 2. Ah, ouais, ce serait sympa de dire, vous êtes chez vous, faites le 2. L'autre est payant. Et appelez-nous. Ah ouais, donc celui-là, il est bien. Ça va, Stouff? Elle était là en fin d'année, qu'est-ce qu'il y a? Ça va très bien. C'est bon. Faut pas dire Stouff. Si, faut dire Stouff. Et Mika, quel retour, ça y est. Oui, retour. Ça va, 7 secondes. Après quelques jours de vacances. Eh bah oui, oui, oui, une bonne année. Mais toujours 7 secondes, toujours. Ça n'a pas changé. Bon, et j'espère que chez vous, ça va aussi à la maison. Ce soir, on aura plein de nouveaux trucs. On va pas vous mettre toutes les nouveautés que l'on a ce soir. Mais on essaiera ce soir, on aura le retour du super jeu. Oui. On aura le retour de vous tous au téléphone. Passez-nous un coup de fil, allez faire un tour sur le Facebook et tout. Laissez vos messages, on les lit. On aura un dossier Pokémon Go, parce que alors, vous nous direz ce... Forcément, on est obligé. Alors, il y a ceux qui se baladent, on les voit, hein, ceux qui se baladent dans la rue comme ça. Ils ne te regardent pas, ils sont comme ça. Et ils font un petit geste, un moment comme ça pour le... Mais oui, parce qu'ils sont, vers le donc, et il y a ceux qui ne peuvent pas blairer ce truc-là. Donc, progressivement, t'as vu, ça va être le combat les de chasseurs ceux qui de Pokémon et les chasseurs de Pokémon. Ah, ah ça va mal finir, ça va mal finir. Donc, on en parlera tout à l'heure. On aura le dossier là-dessus. Réagissez, hein, si vous voulez en parler, parce qu'on a lancé le message sur Facebook. Oui. 0870 42 48. Passez-nous un coup de fil. On aura du monde au téléphone. On aura l'appel du tonton bourré. L'appel, alors ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. L'appel du tonton bourré, c'est à vous de dénoncer quelqu'un que vous connaissez, un voisin. Un tonton, un ami, peut-être un très très proche que vous savez que généralement à cette heure-là il est bourré. Et donc on s'occupera de ça tout à l'heure, ce sera un nouveau truc. Et puis on la lance tout de suite là. Non, on a une petite surprise, on le fera tout à l'heure. Ouais, après. Dans 10 minutes. Oui, oui. Mais on souhaite la bienvenue à notre nouvelle réalisatrice. Ah bah, c'est important. Salut. C'est une jeune fille. On trouvait que ça manquait de jeune fille dans cette émission. C'est des fois il y a des gens qui disent ouais c'est des vannes de mecs. Et bien il fallait équilibrer un petit peu. Ah, y en a nouvelle saison, septième saison, c'est la sagesse. Oui. Donc on a remis, on a Stouff au standard et on a mis une jeune fille qui maintenant remplace Jérémy à qui on fait un bisou. Oui. Qui est parti vers d'autres cieux. Il est pas mort, hein, quand j'ai dit vers d'autres cieux. Nouvelles aventures. Ma force de maigrir, il a fini par disparaître. Arrête, c'est pas ça ou quoi? Peut-être qu'il est là encore d'ailleurs. Il est là, mais pouf. Il est de profil quelque part, on le voit pas. Alors, Margot. Oui. C'est ça, ça va? Oui, c'est ça. Est-ce que t'es détendu ou pas? Écoute, ça va. Non, dis la vérité. C'est quoi ces pantalons de rechange que t'as sur le côté? Bon, alors, bienvenue dans cette émission. Merci. Je te dis tout de suite, tu as intérêt à. Parce qu'on se connaît pas bien, hein. Tu as intérêt à avoir beaucoup d'humour sur toi-même. Notamment sur ton physique. Ah si, parce que ça va forcément. On va se moquer. Et donc elle est jolie. Oui, merci, oui, Julie. Voilà, tu vois, ça commence, première vanne. Et donc bienvenue dans cette émission et on va essayer d'être le plus gentleman possible, en tout cas pour cette première heure. Voilà. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Soprano. Allez, Sopra, et puis vous tous au téléphone, on va prendre du monde, il y en a plein qui attendent. 6-11-12 par SMS pour nous dire un petit bonjour. Merci d'être là. On est de retour. Vous m'avez manqué. Ouais. C'est un vrai kiff. Maintenant, je vais me frotter, ça vous dérange pas, les trucs enlevés. C'est que je te frotte? Si, Sopra, il sera là dans quelques jours, je vous dirai quand. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je sens que je vais briller. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur. équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Ça y est, on est là. Je suis chaud. Dans quelques jours, il y aura Feder qui va venir nous voir. Oui, demain, c'est, bah oui. Demain c'est demain. Ouais. Il y a Tal qui revient nous voir mercredi. Ouais. Ah là, on attaque fort. Hein. Je vous disais que Soprano sera avec nous dans quelques jours. Oui, je vous dirai la date exacte, je vous dirai l'heure, je vous donnerai le quai de gare. Vous pourrez aller chercher directement, je vous dirai tout. Je donnerai son adresse personnelle, mais à ma femme qui revient nous voir. Et à qui le met ? Vous étiez pas en vacances ensemble ? Non. Mais c'est vacances à part ? Oui, je suis sexuel, on se retrouvait, puis après c'était tout. D'accord. J'adore cette chanson. LP. Elle sera notre invitée dans quelques jours. Je chante plus, vous avez remarqué ou pas ? J'ai chanté ça tout l'été, dès que j'entends ça à la radio. Je connais pas les paroles, vous pouvez l'entendre, mais j'ai adoré ce truc-là. Il y aura Zao. Zao sera avec nous dans quelques jours aussi. Elle va déchirer cette année, je vous le dis, elle va déchirer. Ça va être une belle année. Puis vous avez remarqué, donc je peux pas, on va pas passer à côté. Hein. J'ai perdu un petit peu de poids. Hein. C'est vrai. Cet été, attends, j'ai. Tout le monde en a parlé. Mais regardez, j'ai tous les journaux. Mais je vous assure, j'ai des potes qui m'ont envoyé des messages cet été, ils me disaient ça va. Bah, je disais oui, ça va. Et puis tu sais, t'en reçois un autre que tu ouvres derrière. Il y aurait un problème, tu me le dirais, hein. Oui. Quel est le problème? Non, mais t'es parti à pied en vacances pour économiser la vie. Et j'ai lu après, en fait, j'ai lu en décalé, j'ai lu après ce que les journaux écrivaient. Donc, il a beaucoup changé, la métamorphose, qu'est-ce qui se cache derrière. Et après, j'ai lu les forums. Et alors là, c'était magnifique. Une dépression. Non, il y avait la maladie. Qu'a-t-il exactement? La maladie. Ensuite, j'ai lu la drogue. Ah oui. Ah la drogue. Oui. J'ai lu ça dans les trucs, la cocaïne, on dit. Ouais. Ben alors là, ça voudrait dire que d'un coup, j'ai aspiré toute la Colombie. Un Dyson, c'est le mec, il en a jamais pris, mais alors d'un coup. J'ai lu plein de trucs, voilà. Mais t'as perdu combien de kilos mais alors? Je sais pas, je me suis pas pesé. J'ai fait du sport quand et j'ai même, mangé du poisson grillé. Tu t'es pas pesé? Non, je me pèse pas. C'est vrai? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, je fais du sport en même temps, et comme le muscle pèse plus lourd, j'ai peur de voir plus de poids que de. Ah. Et du poisson grillé. Et tu fais les deux en même temps. Tu manges du poisson grillé pendant que tu fais du sport. Ouais, c'est ça. En fait, je prends les poissons grillés, je soulève comme ça. Et puis après, je les. Ouais, c'est devenu un vrai sportif. T'arrives le matin au bureau, t'attends Coco qui arrive de son jogging. Il se mouille la nuque, il arrive avec sa serviette. Il monte les deux escaliers, les deux marches. Tu crois, toi? Moi, j'y crois à chaque fois. Je le vois arriver avec sa casquette. Je peux vous raconter un truc ou pas? Je vois, écoutez un truc. La dernière fois, je descends de l'immeuble et je revenais du. J'allais au sport. Ouais. J'avais pas envie du tout. Et là, tu sais, je vois au bout de la rue mes deux bombes. Comme ça arrive rarement d'en croiser. Parce que souvent, les gens qui font du sport, ils ont des raisons d'en faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, autour du bois, souvent, il y a plus de gros qui courent que de gens bien gaulés. Ouais. C'est comme moi, des gens qui ont des trucs à. Et là, deux bombes. Et là, j'ai fait la technique du. Je suis mis à courir, mais j'ai couru 4 mètres. Hein. Et je suis arrivé devant, ils ont fait raccourir. Je suis là, ouais. Donc j'y aille. Hein, tu sais, j'avais fait que 3 mètres. Escroc. Là. Ça me fait plaisir de vous retrouver tout le monde. Ce soir, je vous explique ce qu'on fait. Oui, vas-y. Vous avez envie que l'on vienne chez vous. Alors, je vous cache pas que là, on va s'adresser à Paris, région parisienne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez envie que pour la première, on vienne chez vous à la maison. Eh ben, on finisse l'émission. On finit l'émission aujourd'hui. Là maintenant. D'accord. On finit l'émission de chez vous. C'est-à-dire, si vous habitez Paris, région parisienne, vous voulez qu'on vienne boire un verre, machin, on finit l'émission, on fait les dernières minutes et de si chez vous. Si vous habitez Pointe-à-Pitre, attendez un petit peu. Oui, on viendra. Mais pareil, Limoges, Clermont-Ferrand, Brest, on viendra. Oui. Mais là, faut finir l'émission. Oui, donc, faut vous un truc finir juste l'émission à côté. Quelque part. Donc, en tout cas, vous avez envie, 611-12 par SMS, envoyez, mettez couille au début de votre message et dites, ouais, s'il te plaît, viens chez moi et ça. Laissez vos numéros de téléphone et nos camarades du standard vous passeront un coup de fil. D'accord? Et on prendra une personne au hasard, on finit l'émission chez elle. Tu veux dire qu'on va laisser Margot toute seule? Peut pas être plus proche des gens. C'est ça qui est bien, oui. Prends un autre pantalon. Et donc, on s'occupera de ça, on ira chez vous. Bientôt, on refera un toc-toc-toc, on vous amènera une star à la maison. Et je vous expliquerai un autre truc qu'on va faire chez vous aussi. Alors, on était très chez vous en ce moment. Oui, ça, plus on ça va aller, chez les gens. Plus on va laisser ce studio et on ira chez vous. D'accord. Bon, allez, 612 par SMS si vous voulez qu'on finisse l'émission de la maison. Élise, 13 ans, ça va ma chérie? Oui, ça va. Ça va ma belle? Les vacances, c'était comment? C'était super d'ailleurs, je suis allée dans le Nord. C'est vrai, t'as vu, il y a eu du soleil, ce qui arrive pas tout le temps. Mais du coup, les gens sont allés dans le Nord. Mais il a fait un temps de folie. La preuve, quand mon papy m'a pris en photo et tout, Et il l'a envoyé à ma maman. Et ma maman, elle l'a montré à ses collègues, oui, à Lyon. Et personne ils ne ont dit, mais elle est partie en Corse. Ah oui, non, ça. Ah ouais. Ah mais une photo prise dans le Nord avec une boule de feu autour, les gens n'y croient pas. Il la montre aux gens. Il a fait très beau dans le Nord. Voilà, tu nous envoyais un mail, tu me dis je m'appelle Élise, j'ai 13 ans, j'habite à Lyon. J'ai un petit problème. Le 1er novembre, je ne serai plus dans cette école à Lyon. Je partirai dans le Nord parce que mon papa a été muté. Et je sais pas comment le dire à mes amis et aux garçons que j'aime bien. Oh, que j'aime bien. Alors surtout, un truc avant. Un truc avant. Mais laisse-la parler toi aussi. Mais la pauvre, elle est pas au courant. Mais laisse-la parler. Quoi? Ben c'est tapé. Elle s'est tapée la seule. Mais moi, je l'ai arrêté de parler en même temps. Elle veut pas t'entendre, je crois. T'as que tu te débères. Qu'est-ce qu'il y a, Pietre? Mais là, elle s'est tapée la seule semaine de soleil de l'année. Ça se trouve, elle pense que c'est comme ça toute l'année. C'est pour faire ça que t'as parlé cette fois? C'est pour dire cette phrase? Alors qu'il a fait beau tous les jours, là, dans le Nord, quasiment, cet été. Bah oui. C'est vrai. Ok. On coupe donc la conversation de cette jeune fille pour parler de la météo, alors. C'est ça. Vas-y, ma chérie. Te laisse pas aller par Louis Baudin. Continue. C'est pas que j'ai un amoureux. C'est juste que, on se connaît bien et tout, et puis on est un peu meilleurs potes et oui, tout. Oui, bon. Bon, et alors, donc, t'as pas envie de le dire. Et tu t'en vas, c'est sûr? Bah oui, je m'en vais le 1er novembre et je sais pas comment leur dire. Eh bien, je m'en vais le 1er novembre. C'est pas mal, hein, ça. Moi, bon, c'est clair. Ça mérite d'être clair, cette phrase. Pourquoi tu fais pas une petite soirée? Pour réunir tout le monde, etc. Et puis là, tu leur annonces que voilà, c'est terminé et que tu dois partir dans le Nord. Et... mais non, mais tu la verras. De toute façon, maintenant, il y a part Facebook. Pas au Groenland, Julie. Non, mais maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tu vas rester connecté avec eux et puis ils viendront en vacances chez toi et tout. Ça peut être cool pour eux. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. C'est jamais ce qui se passe. Au bout d'une semaine, on s'écrit. Attends, tu pleures pas, ma belle. Non, mais tu les reverras jamais, tant pis. Mais c'est la vérité. Excusez-moi, c'est pourtant la vérité. Mais c'est encore là, lui. C'est pour ça les amours de vacances, tout ça, on va se revoir, mais jamais on se revoit. Je rigole. J'ai eu des amours de vacances. Je vais t'écrire un petit mot. Et quand tu vas l'ouvrir, tu verras marqué ferme ta gueule. D'accord. Mais mademoiselle, tu vas pas pleurer pour le début de l'émission quand même. On vient de revenir, c'est notre premier jour de vacances, de retour. Oui, d'ailleurs, je suis trop contente que vous. Bah, ça s'entend. Je suis trop contente. On va revenir dans un instant, ma chérie. Ne bouge pas, d'accord? On écoute Sib, c'est oui, ça? Oui, Sib, ouais. C'est comme Seb. Ouais. Le mec, il s'est dit, on a déjà un, on va mettre un deuxième. Il y a deux œufs, quoi. Ça fera Sib. Comment ça s'écrit? S2EB. Comme je viens de le dire. Et ça s'appelle? Breath. C'est bien, ça change de notre ancien réalisateur, il savait pas dire un mot d'anglais. C'est ça. Ouais, c'est Breath, c'est énergie. On est de retour, on vient avec la demoiselle Élise juste après. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up for your lies. Don't try.

ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she f*** me like she Haitian. Black but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. On est de retour sur Energy, je m'appelle Koé. Toute l'équipe est là et ça va être une putain de belle année cette saison 7. Mais on va pas la finir avec toi cette saison 7. On m'avait même pas convié pour le début de la saison là. Tu sais que je retrouve encore des confettis de l'année dernière dans mon sac. Aussi. C'est beau ça. Il y aura cette semaine Gnache. C'est beau ça, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est pour fêter l'été. On fera un dossier demain d'ailleurs, je vous le dis. Demain, on fera un dossier amour de vacances. Si vous avez fait une connerie pendant l'été, faut-il le dire à quelqu'un d'autre? Faut-il le répéter? Faut-il le garder pour vous? Vous voyez, tout ce qui concerne les amours de vacances, on en reparlera demain. Tout à l'heure, le dossier, c'est Pokémon. Oui. Faut voir un petit peu si vous êtes des grands fans. Vous nous direz tout à l'heure dans le public. Tiens, maintenant, dans le public, qui est fan de qui joue? Allez, soyez honnête, on lève la main. Qui chasse et qui chasse pas? Alors, qui chasse d'abord? Ah, une bonne partie quand même. Qui chasse pas du tout? De la moitié. Ah, on est à un petit 50-50. Ouais. On est à un petit. Piette, tu chasses? Ah non. Hein, qui guette? Ma meuf, et du coup, ça m'a fait démarrer. C'est vrai, ma meuf, elle faisait. Ah, mais en vacances, tous les gens que tu croisais avec leur téléphone, ils cherchaient des Pokémon. C'est un truc de fou. Tu vois les gens passer comme ça dans la rue par groupe, tu sais, avec leur téléphone. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est toi? Julie chasse. Non, moi je suis. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ah, j'ai eu un ronflex. Ouais. Bon, allez, tiens, la petite Élise, on revient avec Élise. Ça va, ma chérie, t'es là? Oui, ça bon, va. Allez, Élise, maintenant, on a laissé passer l'émotion. Ouais. On a respiré. Élise, oui. Elle va quitter ses copains le 1er novembre parce que papa est muté dans le Nord. Oui. Elle va le rejoindre dans le Nord et elle ne sait pas comment l'annoncer. Tu leur fais une lettre? Une lettre à Élise? C'est bon ça? Il est enfin Guillette. Oh là là, mais ne ris pas ça, Marc. Si, c'est drôle. Sauf que moi, c'est avec un Y, c'est pas avec un I. Bon, je crois qu'il faut que tu leur dises. Enfin, excuse-moi, c'est pas non plus un truc terrible. Maintenant, il y a internet, il y a de quoi se parler. Il y a des moyens de communication. Tu peux faire des FaceTime. C'est où dans le Nord? C'est où? Vers Lille. Oh, en plus, ça va, c'est à côté de... Enfin, c'est pas... vers Lille. Non, mais c'est pas loin d'une grande ville, c'est ça que je veux dire. C'est pas un petit village. Ouais, ouais, mais Lille-Lyon, c'est combien de temps? C'est loin. 8 heures de route. 8 heures de route. Oui, mais je crois qu'ils ont mis un TGV qui va un peu plus vite. Hein. Ouais, 3 heures, moi j'avais mis la dernière fois. Ça. 3 heures, ça va. Tu peux aller passer des week-ends chez tes copines. T'auras pas toutes tes copines qui viendront, mais une fois de temps en temps, t'en feras monter une. Ouais, c'est tu vrai. Me diras de bien se couvrir, et même tu, en été. Mais tu t'en feras d'autres des copines. Bon, parlons comme ça. Mais Alors écoute-moi bien. Oh, si c'est pour attends, lui qui est narcissiste. Écoute-moi. Si c'est pour démarrer cette saison 7, en te foutant de la gueule du Nord, je te préviens que ça va mal se mettre. Hein. Mais faut la prévenir. Ouais, ouais, pas, bon, pas comme ça. Bon. Mais ouais, c'est vrai. Mais voilà. Bah voilà, ça y est, t'es bilingue. Mais tu vas voir, c'est une région géniale et tout le monde va bien t'accueillir et ça va bien se passer. Et Pietre a raison, tu vas te faire plein de nouveaux amis. Mais oui. Ouais, bah en fait, ce que j'ai un peu peur, c'est que je me fasse pas d'amis parce que justement après. Non mais attends, après 2 mois en fait, tout le monde sera dans la classe, tout le monde sera pas. Mais non, tu t'en feras plein. Mais non, mais t'en feras plein. Puis sinon tu viens avec un coup de vin. Ouais, oui, mais c'est vrai qu'elle arrive après la rentrée pour le coup. Mais c'est pas grave. Mais arrêtez, ça ira quand même. C'est pas la première à qui ça arrive. Ouais. Ça ira, ma chérie. Je te le signe, tu verras. 1er novembre, je penserai à toi. Enfin, c'est férié, mais la semaine d'après, tu nous raconteras. Je suis sûr que ça ira bien. J'ai confiance. Je te fais un gros bisou. Gros bisou. Attends. Un gros bec, comme on dit là-haut. Un chouéco. Hein? J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? Non. Non, en fait, j'aimerais que tu me suives sur Instagram. Ah, ça y est. Alors, sur personne. Instagram, ma chérie, je ne suis personne. Il y a zéro personne. J'ai décidé sur Twitter, j'en suis, mais sur Instagram, je ne suis personne. Le seul qui avait fait ça avant toi, c'était Zlatan Ibrahimovic. Vous êtes deux, en fait. Je suis le Zlatan de la radio. Voilà. Et donc, j'ai décidé de ne suivre personne. Sur tous les autres trucs, autant que tu veux. Mais Insta, pour l'instant, je suis personne. Pourquoi? Il est égoïste. Comme ça. J'ai commencé, puis je me suis rendu compte un jour, je dis, tiens, c'est vrai, j'ai suivi personne. Puis je continue. D'accord. Et j'ai deux autres choses à te demander. Ouais. Est-ce que tu peux me suivre sur Twitter? Quoi d'autre? Est-ce que toute l'équipe m'envoyer une dédicace de oui. Vous? Ça, on va le faire. On aura des nouveaux posters avec des nouvelles photos. Voilà, c'est ça. Qui vont arriver. Comme chaque année. Les ai vus sur Instagram. Ah, tu vas voir. À mon avis, elles vont être très jolies. Ça arrive, ouais. Il y a un dernier truc. Et est-ce que je pourrais avoir des invitations? Comme le Nord, ce sera juste à côté de Paris. Je pourrais avoir des invitations pour venir à ta radio. Bah, bien sûr. Mais t'as pas besoin d'invitation. Mais t'inquiète. Rétablissons. C'est bien en début d'année de redire les choses. Tu as raison. Jean-Pierre, vous avez raison. Rétablissons ton vrai prénom. Jean-Pierre. Voilà, déjà. On dit toute la vérité. Non, Jean-Pierre. Et bien, j'en parlais avec Gaëtan il y a quelques minutes. Oui, Sébastien. Et nous étions en train de nous dire que oui, effectivement, parfois vous croyez qu'il faut payer ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas d'invitation. Venez nous voir dans le studio, vous inscrivez à public@energie.com. Juste prévenir avant. Ou aller sur le Facebook et dire j'aimerais venir. Et vous êtes dans le studio avec nous. Des fois, on gère les dates en fonction. Et on a même des fois, on ne vous le cache pas, une émission enregistrée l'après-midi. Oui. Ce qui permet à des auditeurs qui viennent de loin de pouvoir venir parce que parfois 22h ça fait tard pour finir. Ouais. Et le fait d'en avoir une enregistrée, bah, ça vous permet de venir l'après-midi. C'est ça. Et puis parfois il y a certaines stars qui peuvent être là que l'après-midi. Donc voilà, des fois on aménage et ça vous permet d'être là ou le soir ou l'après-midi ou le soir. Vous avez le choix. Ok ma belle. Ok. Allez, je te fais un bisou. Gros bisou et je voulais juste vous dire un truc encore. Je suis trop contente que vous fassiez la saison 7 parce que moi je vous connais depuis presque, je sais pas, peut-être 5 mois. Et quand vous avez dit peut-être que je ferais pas la saison 7, peut-être que oui. T'as chialé. Je me suis dit j'espère qu'ils la font parce que. Et t'as pas chialé. Et t'as pas pleuré. Ah, pleuré tout à l'heure déjà parce qu'elle va perdre tous ses amis. Oui. Oh non. Bisous ma belle. Je te fais un gros bisou Élise. À bientôt avec AY. Un gros bisou. À bientôt. Salut ma puce. Tu vas voir, tu vas kiffer dans le Nord. Il y aura Stacy dans un instant. Ça va Stacy? Oui, ça va. Allez, il y aura le qui veut épouser un membre de l'équipe. On en parle dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, c'est très dur à dire. Mais non, c'est Mansell Merlot. C'est pas difficile. Écoutez, madame, c'est parce que vous êtes jeune dans cette maison. C'est un hit. C'est Mansell Merlot. C'est sur Énergie. Bravo. C'est très facile. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Mansell Merlot. Mansell Merlot. Mansell Merlot. Et tout à l'heure, on aura le jeu du tonton bourré. Vous voulez qu'on vienne chez vous finir l'émission? Vite, 611-12 par SMS en mettant Koé au début de votre message. Envoyez-nous ça. Votre numéro. Je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. How chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. I should've gone. Ça. Et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no. No, I should've gone home. Should've left like a, but I did it. I can't be to say no. C'était Koé. C'était toute beauté. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est là sur Énergie, on est de retour, bonjour, bienvenue. Ah, ça y est, la mission cette année, c'est de dépasser 1 500 000 de vidéos vues sur notre chaîne YouTube. Vous savez que cet été, on a pris 30 millions de vues. On est à 1 milliard 140 millions de vues. Ouais. On va tout déchirer. Il y a une web série qui va arriver bientôt. Je vous en parlerai en plus de toutes les images et tout et tout. Qu'est-ce qu'il y a, Loris? Pourquoi tu me tapes sur l'épaule comme ça? 45 millions de vues cet été. Non, j'ai regardé. Non, j'ai regardé aussi. Eh ben, t'as pas bien regardé. Je peux bien regarder. Ok. Merci. Super pour cette intervention. Bon, laissez-nous vos messages aussi. Dites-nous bonjour et bienvenue aussi dans la seule émission qui va la finir dès sa première émission chez vous. Chez quelqu'un. À la maison. C'est donc l'événement. Ouais. Nous irons chez quelqu'un. Alors, Paris, région parisienne, juste ça pour celui qui m'a invité à Rethel en disant viens chez moi. C'est dans les Ardennes. C'est un peu difficile pour faire la dernière demi-heure. Ouais. On viendra peut-être. On viendra. Mais là, pas ce soir. Ça va être chaud patate hein, pour ce soir. Là, je vais être franc avec vous. Ça va être un peu tendu. Par contre, Paris, région parisienne, on a déjà reçu plein de messages. On prendra au hasard quelqu'un et on ira faire la dernière demi-heure vous de chez lui. Vous soyez très motivé aussi. On se fait aussi, payer hein. Un coup quand même, un truc. Ah bah oui, attends, moi je demande au moins que vous ayez de l'eau et du coca. Paye ton pchit. Si vous avez une piscine et tout ça, c'est la même qui fait ses plans. Mais tout de suite, alors que nous on demande rien, elle a de l'eau. Mais nous je voulais un verre de pchit, pas plus. Ah ça va. Allez, 612. Bah j'en ai pas encore. Chaque chose on s'entend. 612 par SMS, mettez que au début de votre message ou si vous n'avez pas de quoi envoyer des SMS. 0800. C'est quoi le numéro? 0870-42-48. Merci Julie. 0870-42-48. Hey, c'est le retour, d'accord? Oui, oui. J'ai le droit d'être un peu. Je fais un bisou à toute la Belgique qui nous écoute. Oui, on est numéro 1 en Belgique aussi. Je vous embrasse fort. Ça y est, j'ai le temps moyen pour séduire une femme. Ah, alors vas-y. Une étude, écoutez-moi bien. Menée pour savoir combien de temps il fallait pour séduire une femme. Et surtout, quel était le temps à ne pas dépasser pour tenter de la convaincre. Vous savez, c'est tout ce truc. Vous voulez la. On passe en mode lourd. On passe en mode lourd. C'est-à-dire que ça y est, d'un seul coup, on est passé de l'autre côté et c'est mort. On peut tout essayer. Ça veut rien dire. Des fois, tu peux mettre vraiment le temps. Hein. Moi, je suis sur 2 ou 3, 4, 5 ans et je vais finir par y arriver. Ouais, tu crois? Il n'y a que toi qui y penses. Eh bien, nous avons les mecs, écoutez-moi bien, 14 minutes et 30 secondes exactement. Ah wow. Ouais, c'est chaud. Ouais. 14 minutes, 30 secondes, c'est le moment pendant lequel la femme vous juge. Ouais. Et où d'un seul coup, elle, je t'ai pas dit qu'elle tombe amoureuse de vous. Non, mais après, elle bascule quoi. Elle bascule, elle se dit, pas mal. C'est et pas à 14h31, si, à 14h31, elle dit, gros relou. Ça, c'est le petit compteur de, pas mal, gros relou. Non, parce que justement, à partir de 14h30, si vous nous plaisez, bah là, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Oui, c'est ça qui est bien. En fait, 14h30, c'est quoi? C'est pas besoin d'être scientifique, parce que là, il y a encore des mecs qui sont venus de Harvard et de Los Angeles et de qu'on fait des études, alors que Pietre et moi, on te l'a fait l'étude en 3 secondes. 14 minutes 30, c'est le temps de commander une bouteille de champagne dans un parc branché. C'est ça. Qui va te coûter un bras, que tu sors ta carte noire, elle voit bien que t'es une bonne couleur. Et là, 14 minutes 30, elle fait, pas mal. Et si ta carte, elle passe pas, elle fait, gros relou. On est pas toutes vénales, les gars. J'ai pas changé pendant l'été. Ah ouais, ça m'énerve, ça. Bisous à Stacy. Ça va, Stacy? Ouais, ça va et vous? Hey, Stacy, un prénom à l'américaine et pourtant à Blérancourt dans l'Aisne. Ah bah voilà. Et ouais. Comment vont Jason et Brian? Ça va ma chérie? C'est en forme Stacy? Ouais, ça va, nickel. Bon, j'ai un mail, il est où mon mail? Stacy, ne bouge pas, laisse-moi trouver mon mail. Hey, t'es jolie toi. Merci, c'est gentil. Bah si, t'es jolie toi. Dis donc, on va appeler qui pour le qui veut épouser un membre de l'équipe? On va appeler ma mère. D'accord, et tu vas lui dire que tu veux te mettre avec qui? Avec toi. Ah bah oui, forcément, on commence l'année avec toi. Évidemment. Alors attention, il faut bien préparer le dos. Ça marchait bien l'année dernière, on reprend. Ouais. Vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés où surtout? Je vais lui dire qu'au mois de juillet, je suis partie 2 semaines. Je vais lui dire qu'au final, je suis partie 2 semaines à Paris, que je t'ai rencontré là-haut et puis voilà. D'accord. T'as quel âge, Stacy? J'ai 20 ans. 20 ans. Ok. J'en ai 29, c'est possible. Ouais. T'as toujours 29 ans? Pas de rire. Comment? T'as toujours 29 ans? Absolument. D'accord, ok. Voilà, et c'est tout. Et c'est comme ça. Bon, donc, Stacy, on s'est rencontrés. Et alors, ça a été chaud tout de suite alors. C'est ça que tu vas dire? Moi, on est tombé amoureux. Non, soyons crédibles, on est tombé amoureux. Toi, t'es tombé amoureux. On a fait l'amour assez vite et c'était super. N'oublie pas, quitte à mentir, je rappelle les règles de cette émission. Quitte à mentir, mentez jusqu'au bout. Ouais. C'était fantastique. Voilà, autant dire que c'est un super coup, quoi. Ok? Ouais, ok. Pas non, t'as pas l'air convaincu là. Je crois pas que je l'ai pas entendu ton. Ouais, ok. Faut que t'en fasses des questions. Non, mais si, ouais, ok, pas de problème. D'accord, tu ne ris pas, c'est genre machin. Et après, je prendrai le téléphone. Et le principe, c'est que je serai un gros con fini. Ouais. Et on verra. D'abord, on va voir comment maman va réagir. Elle a quel âge, maman? 48 ans. Tu pourras avoir son âge. Non, mais c'est pas celle qui est sur la photo, c'est pas la deuxième photo. Les deux, c'est toi. Oui, les deux, c'est moi. Ah, parce que j'allais dire, la mère, elle est jolie. Non, j'aime pas le photo de ma mère. Eh ben, allez, Stacy, t'es toute jolie. On y va, on appelle maman, c'est parti. Vas-y. Je m'excuse d'ores et déjà pour le personnage odieux que je serai après. Qui est toujours agréable à faire. Toujours. Moi, j'adore être dans ce personnage-là. Plaisir. Tu le tiens bien. Naturel. J'ai entendu bien, naturel. Allô? Allô, maman? Oui? C'est moi, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je t'ai reçu mon message? Oui, j'ai reçu ton message. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, au mois de juillet? Oui. Je suis partie 2 semaines. Oui. En fait, je t'ai menti. Je suis pas partie chez mon copain. Je suis partie à Paris. Et j'ai rencontré quelqu'un. T'es partie à Paris? Quelques trucs? Je suis partie à Paris et j'ai rencontré un homme, en fait. Et on a couché ensemble et du coup, Mais t'as pensé à Anthony? Il est assez connu. Stacy, t'as pensé à Anthony? Oui, mais tu sais très bien que ça va pas avec lui et en plus... Mais on fait pas les choses de cette façon, enfin. Je sais pas, on fait les choses proprement. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais oui, il est connu et puis en plus c'est un bon coup au lit. Non mais attends, tu t'entends me parler là? Ouais, je sais maman, mais tu sais j'ai 20 ans. Tu sais maman, t'as pas 20 ans là t'es qu'une gamine de 15 ans là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, j'ai 20 ans, je sais ce que je veux, mais je voulais d'abord t'en parler. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que je me suis dit que t'accepterais pas. Enfin, je suis quand même pas un monstre, je suis quand même ta mère, non? Ben oui, je sais, mais tu sais, c'est Koé. Quoi, c'est Koé? Ben, Koé, tu sais, il est animateur radio. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais tu plaisantes. Mais il est beau, tu sais. Non, mais tu plaisantes. C'est une blague. Mais non, je ne plaisante pas, maman. Mais c'est pas possible. Il est très connu, tu sais. Mais je m'en fous qu'il soit connu, moi. Il gagne bien sa vie et je pense que je m'en fous qu'il gagne bien sa vie. L'argent, ça fait pas tout. Ouais, mais je pense que je vais arrêter l'école pour aller vivre avec lui. Non, non, mais alors là, certainement pas. C'est hors de question. Tu n'arrêteras pas l'école. C'est mon cœur. T'es en ligne avec qui, là? C'est qui parle derrière? T'es en ligne avec qui, là? Ben, c'est lui, maman. C'est... Enfin, là, c'est ma mère au téléphone. Je t'avais dit de pas lui dire. Ah, ça y est, elle va le raconter à tout le village et tout. Maintenant, tout le monde va se la raconter. Ma fille, elle sort avec Koé, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il me connaît pas, il me juge. Non, mais c'est quoi ce délire, là? En plus, je connais le village de Bouzeux, putain. Ouais, bah, je t'en foutrais un, moi, de Bouzeux. Attends, je vais parler à ta mère. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est... Bon, je dis pas mon nom, vous savez qui je suis. Oui, ben, j'en ai rien à foutre de qui vous êtes. Arrêtez, ça va, vous êtes fan, hein. Si vous êtes aussi accro que la fille. Non, pas du tout. Ah, attendez, c'est bon. Mais bon, t'énerve pas, je te ferai une photo, je te ferai un autographe. Vous avez quel âge pour être avec ma fille? Comment? Vous avez quel âge pour être avec ma fille? Oui, le problème, est-ce que l'âge, c'est un problème? Ça l'est pas toujours, mais là, franchement, mais la enfin, circonstance... Qu'est-ce que tu veux qu'il On n'est pas du même monde, d'accord? Ah oui, ah bon, pourquoi on n'est pas du même monde? Justement, on n'est pas du même monde. Ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes dans un monde que moi je fréquente pas du tout. Mais enfin, c'est pas tout ça parce que quoi? Parce qu'on va dans des soirées où il y a de l'alcool et de la drogue? Ouais, alors... bah justement, ça en fait partie. Mais donc, enfin, c'est la vie, quoi. Voilà, non, c'est tout. Pas... Mais ça, enfin. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, justement. Ta fille est très amoureuse de moi. Oui, bien sûr. Moi, pas du tout. J'en ai absolument rien à foutre. Tu vas déchanter, ma fille, moi je te le dis. Moi, je m'en fous, mais alors complètement. Hein. C'était... Ouais, bah oui, bah je n'en doute pas une seconde. Elle s'accroche. Tais-toi. Oh, me coupe la parole. Oh, ça va, non? Attends, tu sais qui je suis? Tu me coupes pas la parole. Tu sais qui je suis? Je te l'ai déjà dit. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi. Quelle envie de me parler, elle me parle. Quand il y a du monde, tu ne fais pas ça. Ok, tu ne fais pas ça, Stacy. Tu me laisses parler. D'accord? D'accord. On dit merci, mon cœur. Dis merci, mon cœur. Merci, mon cœur. Voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce. Non, mais. Qu'est-ce que tu dis? Mais t'es un être humain, t'es qui, là? Tu te prends pour qui? Oh, ça va, je suis une star. Mais écoute, mon grand, tu sais pas, viens en face de moi un peu. Mais je suis une star, c'est bon. Mais j'en ai rien à foutre que tu sois une star, tu pourrais même être le pape, que j'en ai rien à péter, mais je ne suis pas le pape, enfin. Oui, bah, tu te prends un peu pour le pape, d'accord? Juste au-dessous. Mais sinon, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Vas-y, raconte. Bah, c'est une vanne. On est sur énergie dans toute la France, et c'est une vanne. Dis-lui qu'on ne sort pas ensemble. Dis-lui que je ne suis pas comme ça. Maman, on est sur énergie. Oui, c'est pour rigoler, on ne sort pas ensemble. Maman. Maman. Nathalie. Oui. Et les gens de Blérancourt, c'est pas des bouseux, c'était pour rigoler. Bon, je les connais pas tous, mais je te fais un gros bisou, maman, d'accord? Ah oui, elle est bloquée. Elle est partie. Stacy, cadeau. On envoie à la maison directement. Inscrivez-vous pour les prochains. Goyatenergy.com. C'est Kungs là? Oui. Il a commencé à chanter ou pas encore? Là. Il va le faire maintenant. Ok, va allumer son micro. Non, maintenant il a chanté. ce morceau. C'est dans un instant, bougez pas, sans de retour. C'est maintenant qu'il y a de la pub ou pas? C'est vrai maintenant? Tu peux allumer ton micro aussi, ma belle. Allume ton micro, enfin. C'est maintenant. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux. Viens chez moi, j'habite à Poissy. Heureux de vous retrouver, en particulier Mikamikaze au standard. Bah, tu vois, il y a des gens qui sont contents. Gros bisous énergie de Bagneux. Il y a plein de gens, non mais les mecs savent plus faire. On leur a mis des micros, ils croient que c'est des faux, ils croient que c'est de la déco. Restez avec nous sur énergie, on est de retour dans deux minutes. Le super jeu sera là tout à l'heure. Envoyez vos SMS à Koé au 6112. Thank you. Code Koé au début du message. Vous êtes déjà nombreux à avoir multiplié votre salaire par 10 en un an. C'est plus de 50 000 euros offerts. Merci. Pour la rentrée, Énergie remet ça. Mais quelle est la seule radio à vous offrir 10 fois votre salaire? Énergie! Oui! Inscrivez-vous maintenant. Envoyez salaire par SMS au 78. Et le 16 septembre à 7h45, l'un d'entre vous se verra offrir 10 fois son salaire. Les plus beaux cadeaux, les plus beaux rêves se gagnent et se vivent grâce à Énergie. Grâce à Énergie. 1 euro par SMS envoyé ou reçu. Il y a des soirs. T'as fait tes devoirs? Check. Ta chambre est rangée? Oh, check. Elle est assez sémelle? Oh oui, double check. Qui ne changeront jamais. La vaisselle est faite? Check. Les poubelles sont sorties? Check. Allez, assez sémelle? Oh oui, double check. C'est sémelle, à savourer à tout moment, même le soir après une longue journée. Tous vos hits sont sur la double compile Energy Extravadance Summer 2016 avec Erai Streffi, Galantis, Ken Jones, Jennifer Lopez, Moom, Kygo et beaucoup d'autres. Energy Extravadance Summer 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. effacer. Je peux t'emprunter ton effaceur 2 minutes. Je peux te piquer tes ciseaux quand t'auras fini. Ah, t'abuses tout le temps d'oublier tes affaires. Certains enfants n'oublient pas leurs affaires. C'est juste qu'ils n'en ont pas. La Fondation Cultura, en partenariat avec la Croix-Rouge française, a créé la Banque scolaire, une collecte de fournitures scolaires pour les enfants des familles défavorisées. Du 24 août au 3 septembre, participez à la Banque scolaire dans tous les magasins Cultura. Britney Spears. Découvrez Glory, le nouvel album de la reine de la pop. Britney Spears, son nouvel album, maintenant disponible. On est là! Now, ladies and gentlemen, quoi? Bienvenue dans la seule émission qui va tout à l'heure aller chez vous, à la maison. Si vous habitez Paris, la région parisienne, on viendra chez vous et on va la finir de la maison. Ce soir, on peut prendre, à tout moment, je peux prendre un numéro de téléphone, je me dis, je vais chez toi. Et on prend un scoot, on prend les voitures et on va la finir chez vous. Pour ça, faut pas habiter non plus à 800 km du studio. Non. Zao sera notre invité dans quelques jours. Kinbei va venir. Tu sais, on va pas débarquer à 80 personnes non plus. Mais non, 4-5. Voilà, juste petit groupe. LP aussi vient, la semaine prochaine. J'adore ça. C'est beau, hein? Et tout à l'heure, je vous disais quelle était la durée pour draguer une fille. Oui. Maintenant, je peux vous dire quel est le temps exact du rapport sexuel. Ça y est, les mecs, ils ont fait des études. Le temps mis. Ils ont poussé la drague, maintenant ils ont mis idéal, un chrono et idéal, tout. Voilà. Le temps idéal du rapport sexuel. Ah. Amène-moi le micro vers la demoiselle du premier rang. Oui, toi. Regarde à droite, c'est un mec. Regarde à gauche, c'est un mec. D'après toi, quelle est la durée idéale d'un rapport? En heure. Bah, demande-lui pour elle, en déjà. Mais non. Pas pour moi, s'il vous plaît. T'as vu comment elle a dit ça? Pas pour moi, s'il vous plaît. Ah, t'aimes pas que ça dure longtemps? Elle a quel âge? Je rappelle que c'est son mec qui est à côté. Ah. Oui, enfin. Ouais, elle a 8 ans. On t'a pas demandé ton métier. Quel âge tu as? Parce qu'elle dit elle est mineure. 7 ans. Et vous l'avez jamais fait? Voilà, merci beaucoup. Ah, parce que ça commence par je suis mineur et après. Quel âge il a, ton chéri? Ah, il est là. 25 ans. Dis donc, toi, ça va? Dis donc. Ça va, ça te dérange pas? T'écoutes du Jean-Luc Lahaye dans la voiture à fond, non? Hein, ça va? Mais me dites pas que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, hein, sinon 5 ans. Ah oui, le truc horrible. Je l'ai rencontré, je fêtais mes 18 ans. Bon, alors, mademoiselle, là, on repasse le micro à ta chérie. D'après toi, le temps idéal, c'est combien? Bah, ton chéri dure combien de temps, en fait? Non, mais arrête de penser. Ça. Pour elle, la durée, c'est quoi? C'est quoi l'idéal? Mais demande pas au mec à côté, il est pas là. Combien d'après toi? Vas-y. Je sais pas. 5 minutes. C'est Loris qui m'a dit. T'es sérieuse? C'est Loris. 5 minutes, c'est le temps idéal. C'est le temps de Loris. C'est le temps de Loris. Avec Loris, c'est quoi? Ça fait connaissance. Non, mais pas 5 minutes. Pour toi, c'est combien l'idéal? Le truc top? J'en sais rien. Mais ne regarde pas ton chéri, tu sais que t'es censé être là quand vous faites l'amour, hein? Enfin, en théorie. 20 minutes. 20 minutes? C'est bien. Ouais. Eh bien, nous allons voir si c'est ce qu'ont dit les scientifiques. À mon avis, c'est beaucoup trop. Ouais. Ah, c'est pas assez. Des chercheurs du Penn State Hillary de Pennsylvanie, autant vous dire qu'en Pennsylvanie, ils se font chier, ont interrogé des sexologues à travers tous les États-Unis et le Canada. Et ont obtenu plusieurs catégories définissant le temps optimal entre la pénétration et l'éjaculation. Et alors? Est-ce que vous avez remarqué que, vu qu'il est tôt, oui. Quand c'est dit en espagnol, c'est ça moins vulgaire. Ça passe mieux. L'éjaculation. Hein, alors que juté, c'est moche. Ouais, c'est... Mais l'éjaculation, ça passe beaucoup mieux. Et yoté, ça passe mieux. C'est un terme médical. Hein. Yoté. D'ailleurs, tu peux passer un film porno en espagnol. Italien, à 20h, ça ne choque personne. Bien. Ah, l'éjaculation, mais tu vas yoté. Yoté. Ça, on dirait Alvaro Soler. Donc, alors, ce qui est trop court, considéré comme trop court, 1 à 2 minutes. On est tous d'accord? Ouais. Ah, on est d'accord. On est tous d'accord. Convenable, 3 à 7 minutes. Mmh. Ouais. Bon, t'as remarqué que j'ai pas demandé à Julie. Non, parce que voilà, Julie, elle nous aurait dit 4h18. Ouais, voilà. Tu vois, elle nous aurait dit un palais à Paris-La Rochelle avec une grève au milieu. Voilà. Bon, c'est pas mal. Souhaitable, 7 à 13 minutes. Ouais. Et trop long. 10 à 30 minutes. Ah, mais il n'y a rien qui va alors. C'est-à-dire qu'en gros, pour beaucoup de femmes, de 10 à 30 minutes, c'est trop long. Bon, enfin, excusez-moi, il n'y a que dans les films porno que ça dure longtemps. Dans la vraie vie, je suis sûr que ça dure moins de 10 minutes chez plein de gens. Je crois qu'en moyenne, ça doit durer 10 minutes. Hein. Bah non, c'est vrai. Bon, attendez, bon, je regarde un petit peu, moi, par rapport à ce classement. Bah moi, d'après ce classement, je suis 1000 fois trop long. Hein. Ah, ouais. Ouais, combien? Ah, ouais, c'est fou. Hein. Une à deux minutes. Ouais, okay. Mika, t'es dans le classement. Une à deux minutes. Non, il est hors classement, lui. Ah, ouais, il est hors classement, il est en dessous. Ouais, il est en dessous. 7 secondes. T'es pas dedans. Vanessa, de quoi on parlera dans un instant, ma chérie. Bienvenue chez nous. Ça y est, on est revenu de vacances. C'était bien tes vacances, Vanessa? Oui, super. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas partie en vacances, je devais partir. Ah, tu devais partir où? Je devais partir à Saint-Raphaël dans le sud. Et que c'est dit? Ah, c'est là où je suis allée. Mais c'est génial, Julie. Ouais. C'est pour ça qu'elle a très belle intervention. Bah, excusez-moi, je raconte pas. J'ai vu que Julie a y été, j'ai fait le j'ai mis une photo Twitter, j'ai dit, je vais pas voir cette connerie. Et donc, j'ai rencontré plein d'auditeurs là-bas. C'est vrai? Ouais. Et ils t'ont dit quoi? Des photos et tout, bah, sur la plage. Encore beaucoup de trucs intéressants à dire ou je continue? Si tu veux, je me tais. Hein. Eh oui. Elle nous a envoyé un mail, Vanessa. Elle me dit, mon copain a rompu avec moi il y a maintenant un mois. Et je souhaiterais le récupérer. Je sais qu'il est possible de revivre quelque chose avec lui, car il a des comportements avec moi qui me poussent à y croire. Nous travaillons ensemble au sein d'une même caserne. Et nous avons un cheval en commun. Alors oui, si vous avez un cheval en commun, ça change tout. Ça mérite qu'on en reparle. Tu bouges pas, Vanessa? Oui. Allez, on en parle dans un instant. Le temps d'écouter Red One. Oui. Tu bouges pas, ma chérie. J'espère que lui, il n'est pas allé voir d'autres filles. Qu'il a pas eu des racles. Ou qu'il a pas yoté. On espère. On espère. Bienvenue tout le monde. On est lundi, on est de retour. Et tout à l'heure, on est peut-être chez vous. C'est l'événement de cette soirée. 6-11-12 par SMS si vous voulez qu'on vienne à la maison. Ou alors 0800-70-42-48. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. I'm not over, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. Squeeze you tight, cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. If you keep your body running till I daylight. écoutez mes jingles. Oui, bon, il y a Koé aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. Koé, 19h-22h, sur Énergie. On est sur Énergie, tout le monde. Kinvé sera mon invité dans quelques jours. Zao et MHD, il y aura DJ Assad demain. Non, jeudi, il y aura Nash avec cette chanson que vous kiffez. Il y aura Feder, il y aura Tal qui sera là mercredi. Et si vous êtes fan de Kev Adams et de Gad Elmaleh, ils seront nos invités dans quelques jours aussi. Ouais. Joli. Joli, mon frère. Je m'appelle Koé, il y a Pietre, il y a Guéguette, il y a Julie, tout le monde est de retour. Ça y est, les vacances sont finies, on est là, on a une nouvelle réalisatrice. Oui. Margot. Bonjour. Pas trop de conneries pour l'instant. Ça va. Non, ça va. Hein. Maintenant que tu l'as dit, tu vas voir que je vais en faire, fais gaffe. Non. Bah non, c'est bien, n'en fais pas. Si vous nous passez un coup de fil, 0870-4248, vous aurez Mika Mikaz et puis vous aurez Stouff. Ça va les deux? Nickel. Ça va? Ouais. Pas encore touché les lolos de Steph? Bientôt. Ouais, c'est... Il est dessus, il est en dessous surtout pour l'instant. Et Stouff, elle a une réclamation sur les positions. Ah, mais sur fallait parler, temps. Madame, enfin. J'en ai parlé tout à l'heure. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle disait que c'était 5 minutes par position, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Nous parlions du temps idéal pour faire l'amour. Ouais, tu fais au moins 5 positions, tu comptes 5 minutes et voilà. Ouah, c'est long. 5 minutes par position. Bah, 25 quoi. Ouais, ça santé. Être... Oui, Julie, ça fait... en même temps, je vais réviser la rentrée. 5 x 5, 25. Le compte est bon. Monsieur Michel, les chiffres. Très bien, 25. Ouais, 5 minutes par position, ça peut être long 5 minutes. Mais Steph, si elle a pas 5 positions, elle est pas bien. C'est vrai? Sérieuse? Ouais, c'est vrai. Il te faut 5 positions? Ouais. Non, c'est 3 minimum. En ce moment, même une demi, ça tient. J'ai cru comprendre que. Ah ouais, aujourd'hui, n'importe quoi ferait l'affaire. Hein. Un blender Seb, n'importe quoi, un truc qui bouge. Non, mais c'est vrai, 5 positions. Ouais, 5 positions, c'est la règle des 5. T'es sérieuse? Mais arrête, mais. Si ton chéri n'en fait faire que 4, c'est pas fini. Non, mais c'est pas bien. Tu proposes. Ça doit être la pression. Et tu tires le gars, il est en train de dire je vais venir, je fais non, t'en as fait que 4. Mais en même temps, t'en fais facilement 5 hein, quand il réfléchit. Bah oui, bien sûr. Enfin, oui, bon, c'est horrible de commencer en se disant ça fait genre 5. Tu sais, tu coches sur le tableau. T'es obligé de compter, je fais 1, 2, pas youté. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est dur quand même de dire il faut penser à ça. Moi, je serais incapable d'y penser. Bah, tu penses pas au nombre de positions. Non, je pense pas. Non. Bon, pas, si. Mais commence pas à réfléchir à ça, toi, parce que ça va te perturber. Déjà qu'il a un nouveau truc. Bon, on en parlera plus tard. Allez, on fait un bisou. Allez, où ma chérie? Dans un instant, nous aurons une nouvelle séquence dans l'émission, la séquence du tonton bourré. Vous vous êtes inscrit, allez sur les messages sur notre page Facebook, Koé officielle. Oui. Alors, je tiens à dire aussi que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant merci Koé de m'avoir offert un iPhone 6 cet été, je l'attends et je ne l'ai toujours pas reçu, etc. Vous vous doutez bien qu'une page Facebook avec un mec qui est suivi par 2000 amis et qui vous dit hey, je suis Koé, envoie-moi 700 SMS et je t'enverrai un iPhone 6. Ah, ça continue ça? Il y en a pour chacun d'entre nous. Et les mecs, on les fait fermer, il en remet. Ouais, alors, moi c'est le vrai, je le fais vraiment. Mais, et des fois vous me dites ouais mais c'est toi, mais regardez bien, on n'a pas 50 000 pages, on en a qu'une. Ouais. Et pareil sur Insta, il y en a un qui s'est amusé à faire la même chose sur Insta. Prenez le petit truc, vérifiez que la petite chose de truc bleu à côté. Si c'est pas ça, c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Moi, je suis un égoïste qui a 500 000 abonnés et qui ne suit personne. Voilà. Et c'est que moi. Donc, en tout cas, dans un instant, la séquence du tonton bourré. Si vous connaissez quelqu'un de bourré, on s'en occupera. On fera le premier ce soir. On fera le test pour voir si. Parce que parfois, on peut être mauvaise langue. Hein. Oui, des fois, on peut croire que c'est on peut dire oui, mon oncle picole et on appelle pas du tout. Non, ils sont juste pompettes. Il a juste fait elle lundi. Bon, allez, on reprend Vanessa. Ma chérie, t'es là? Oui, Vanessa, je vous la résume en deux mots. Vanessa voulait se remettre avec son chéri. Ils sont dans la même caserne. Vous êtes pompier? Oui. D'accord. Vous avez un cheval en commun? Tout à fait. Et t'as dit, j'aimerais bien qu'il arrête de me faire tourner en rond parce que moi, je continue d'y croire et d'attendre qu'il revienne. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Là, ça fait un mois et demi. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Un an et demi. Ah ouais, quand même. Et pourquoi vous avez acheté un cheval? C'est plus gros qu'une bague. C'est ça, si vous voulez acheter une bague, il a dit si je t'achète un cheval. Non, c'est mon cadeau de Noël en fait. Il est dans le salon? C'est un beau cadeau, dis donc. Et j'ai demandé un T-Rex pour l'année prochaine. Il m'a galéré. Ah ouais, quand même. Un cheval. C'est un beau cadeau. À Saint-Valentin, j'ai demandé un aigle. J'aimerais qu'il y ait un aigle. Du coup, il est à l'écurie parce que je suis passionnée d'équitation. D'accord. C'est gentil de t'avoir offert un cheval. Mais c'est un cheval, genre, il l'a récupéré juste avant l'abattoir? Il était d'occasion. Non, on l'a acheté ensemble. Oui, mais je veux dire, des fois, tu peux acheter des chevaux pour moins cher qui sont à deux doigts d'aller à l'abattoir. Ah, c'est un cheval de concours. D'accord, très bien. D'accord. Ouais, ça a dû lui coûter un peu cher. Beau cadeau. Et après, le cheval, il t'a laissé tomber. Voilà. Ah, salaud. Parce qu'il en avait une plus petite. Il était dégoûté. Et là, tu veux le récupérer et lui, il est pas trop OP, c'est ça? Il est pas du tout OP parce qu'il considère que j'ai des comportements un petit peu de. Ah, schizophrène. Voilà. Parce que tu as tué le cheval et elle l'a mangé. Des comportements de quoi? De gamine un petit peu chiante. De gamine un peu chiante. Déjà, t'as une voix de gamine un petit peu chiante. Ouais, mais. Enfin, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Il te reproche quoi? Des faits, madame. Des faits, du concret. Alors, il me reproche de pas lui avoir laissé suffisamment de temps libre avec ses potes. Ça, c'est normal. Tous les mecs demandent ça. Voilà. Parce que toi, t'as été en mode tout de suite. T'es là, t'es dispo. Crac, viens chez moi. Voilà. Ouais, mais ça, faut pas. Hein. Et il me reproche aussi de l'avoir giflé un soir suite à une grosse dispute. Ouais, ça peut se reprocher, ça peut se reprocher. Devant ses potes ou pas? Mais pourquoi tu l'as giflé? Non. Il est en retard. Parce qu'il m'a un petit peu pris pour une conne de tout le week-end. Il a mal mis la table. Bah attends, c'est-à-dire il t'a pris pour une conne? C'est-à-dire qu'il m'a lâché tout le week-end avec ses potes sans m'avoir prévenu. Est-ce que ça mérite une claque? Ouais, je suis pas sûr. Ça mérite une engueulade, mais une claque, je suis pas sûr. Bah, disons que il m'a pas prévenu et on devait se retrouver à un endroit à telle heure et il m'a pas donné de réponse et pas de réponse au téléphone, pas de message. Tu mets pas de beigne. Ça fait un an et demi qu'elle est avec. C'est pas une raison, Julie, ça ferait 5 ans, tu mets pas une beigne et un coup de boule pour autant. Bah oui. Enfin, tu t'engueules la personne mais tu la frappes pas parce que t'es pas venu. C'était arrivé, sauf qu'il comprend pas, il prend la moto, il s'en va, il fait l'andouille. Ouais. Après, il a fait du bruit, il m'a réveillé, j'ai roulé dessus avec la bagnole. Bon, je vais couper les freins de sa moto. Ouais, bon, effectivement, t'as l'air un peu impulsif quand même. Oui. Voilà. Il fait souvent ça, il voit souvent ses potes et tout ça. Maintenant, il les voyait plus parce qu'il était tout le temps avec moi. Mais c'est compréhensif, ma belle aussi là. Et à la base, il veut plus. Pourquoi tu veux forcer la chose? Parce qu'elle est amoureuse. Parce que c'est moi qui lui ai demandé qu'il aille revoir ses potes. Ouais, mais aujourd'hui, quand tu lui as demandé de revenir, il veut plus pour l'instant, parce qu'il est bien avec ses potes. Ou avec une autre. Alors, pour l'instant, il veut plus, mais il a des comportements avec moi qui font que des fois, je me dis. C'est qu'il garde sous le coude. Hein. Et puis, il n'aura pas le choix, sinon j'en mets une. La deuxième, elle est prête. Hein. Attention, elle va tomber, puis le mur, il va t'en rendre une autre. Hein. Attention. Non, mais je pense, ma chérie, que là, tu y crois, mais t'es la seule à y croire. Ouais. Dans son portable, maintenant, il t'appelle Plan B. C'est-à-dire, il te rappellera que quand il aura appelé Mercure au Chrome. Même pas, parce qu'on se croise tous les jours, on se parle tous les jours. C'est vrai qu'ils travaillent ensemble. Et à chaque fois qu'ils se croisent, ils frôlent les yeux. Mais ça, dès qu'il a quoi. Non, je vais pas te taper. Madame. Arrêtez, c'est pas drôle. Non, ma chérie, je crois qu'il y a un moment. Allez, on va te dire un truc. Tu lui laisses encore 15 jours de comportement comme ça. Et si à un moment donné, il n'y a rien de plus, oublie et passe à autre chose. Passe à autre chose. Tu vas souffrir pour rien. Et puis repart à zéro avec un autre mec sans lui de gifle, quoi. C'est déjà en train de se faire. De partir avec un autre? Non, je suis partie avec personne, mais j'aurais préféré qu'il soit clair, net et précis mais avec moi. Un homme, mais ma chérie, apprends qu'un homme, c'est jamais clair et net. C'est ça. Un homme, c'est lâche. C'est ça. Nous, pendant une engueulade, il y aurait un trou de souris, je te jure, si on pouvait suivre la souris, rentrer dedans comme ça, on le ferait. C'est dingue comme tu l'avoues. Mais parce qu'on est comme ça, les hommes, on n'a pas de couilles. On est comme ça, nous, on déteste les conflits, on déteste dire que j'ai plus envie d'être avec toi, on déteste tout ça. Ouais, mais on aimerait bien que vous soyez francs avec nous. Voilà, ben on peut pas, on sait pas. Sinon, ce serait pas des fois, ça ferait des embrouilles en plus. Ouais. On est obligé d'être. C'est vous qui nous poussez. En fait, on vous épargne. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tout le monde que de toute façon, il a une fierté tellement au-dessus de tout le monde que pour lui parler. En même temps, tu lui as mis une claque dans la gueule. Il est pas très fier, hein, il te parle encore. Mais il lui a mis un lapin aussi, c'est pas cool. Il lui a mis un cheval aussi. C'est vrai, il lui a mis un lapin et un cheval avant. C'est quand même plus sympa. Je te fais un gros bisou, Vanessa. Je t'embrasse, ma chérie. Ouais, laisse-lui 15 jours. Et tiens-nous au courant, je t'embrasse fort. 612 par SMS 0870-4248. Vous voulez qu'on aille finir l'émission chez vous ce soir? Laissez vos messages et on ira tout à l'heure. Choisissez-nous des gens au hasard, hein. N'importe qui. On prendra le scooter et boum, on va chez vous. Pas avec le scoot, hein. Qu'ils aient du coca. Pas sur la moquette. Voici Nash. Ce sera notre invité demain ou après-demain. Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that.

sais ce qui se passe quand même. Non mais il est en train de perturber Margot. Il lui parle jusqu'au dernier moment pour qu'elle rate son mix quoi. Et elle l'a pas loupé hein. C'est bien, ça va d'entraînement. Très bien, très bien, très bien. Il lui pose des questions coquines en plus. Hein. Oh, ça pas coquine, est-ce que non c'est mais coquine. C'est un débat qu'on a eu ce matin pour le coup. Et voilà, alors ça n'a rien à voir, mais elle a pas été perturbée, c'était très bien. Ouais. J'ai une question, je peux poser une question Margot, parce qu'on se connaît bien pas sûr. Encore très bien, toi qui viens de nous rejoindre pour réaliser cette émission. Oui. Tu es assise ou tu es debout? Attends, parce que avant que tu répondes, si tu es assise, il faudrait que tu remontes ton siège. Et si tu es debout, il y a un putain de problème. Putain de malaise. Le pire, c'est que je crois que je suis plus haute avec le siège. Mais t'es debout là? Ouais. Il y a un trou. Il y a un trou. Ils ont creusé, ils ont pété le plancher. T'es debout là? Oui. Attends, Julie, déjà, enlève tes talons aussi. Ouais, c'est pareil. Ah non, Julie est plus petite. Elle est plus grande que Julie. Ah ouais. Eh ben on n'est pas près d'avoir des filles qui partent chez Victoria's Secret, hein, je vous le dis. Ah non. Oh là là. Il y aura peut-être d'autres radios qui viendront les chercher, mais jamais des trucs pour la lingerie. Bon, j'espère que ça va chez vous à la maison et que vous êtes en pleine forme. Kinvé sera avec vous dans quelques jours. Voici une nouvelle séquence de l'émission. Alors qu'on aura le super jeu dans quelques minutes, la séquence du Tonton Bourré. Je vous rappelle qu'il y aura des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a à gagner cette semaine, Julie? Il y a des PS4, il y a des iPads, il y a des Xbox 360. C'est bon ça. Et dès qu'il y a le double hit cette semaine avec DigiSnake. Il faut que tu me mettes le truc, sinon ça marche pas. Mais c'est normal, elle est trop bas, ça ne voit pas là. Oui, voilà. La console, je te fais signe, mais oui, elle te voit pas. Voit pas. Tu sais quoi, Margot, dès que j'envoie une fusée de détresse, regarde le ciel. Dès que j'envoie une fusée de détresse vers le haut, ça veut dire qu'il faudra changer de titre. Après, dès que vous avez DigiSnake et Justin Bieber enchaînés avec Justin Bieber, vous avez le double hit et là vous avez des cadeaux de ouf. Là, vous pourrez gagner. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Le pack énergie avec l'iPhone 7, évidemment, et le MacBook Air. Qui n'est pas encore sorti, ouais. C'est génial. C'est un truc de ouf. Mortel. Voilà, il est en train d'être fini là par des. Ah non, mais dès qu'il sort, vous le recevez chez vous. C'est iPhone 7, c'est l'âge de celui qui le fabrique. Voilà, c'est. Ça coûte moins cher. On progresse. C'est iPhone 6, bien sûr. 5. Et bientôt, ce sera iPhone 18. Enfin, ils seront majeurs. Mais pour l'instant, ils vont continuer. Bien sûr qu'ils continuent tous, évidemment. Et c'est pas que, c'est partout. Ils vont changer de nom. Mais ils ont pas. De quoi tu veux dire? L'iPhone. Ah ben non, donc ça continue. Pourquoi tu changerais? Je crois qu'on va se retrouver dans 10 ans avec l'iPhone. T'auras ton fils qui est en train de voir. Maman, tu m'offres le iPhone 48. Ouais. Bah, tu seras obligé qu'il ressemblera à une espèce de double télé parce que plus ça va, plus ils sont gros. Ouais. Donc ce sera ça. Allez, on fait un bisou à Delphine. Delphine de Saint-Dié. C'est la séquence du Tonton Bourré. Comment s'appelle Tonton? Il s'appelle Dominique. Ah, mais attention. Avant qu'on vérifie si. Un peu la bio, on se refait la bio. On a envie d'en savoir plus. Est-ce que Tonton est vraiment du genre à être bourré? Ouais, enfin voilà, c'est pas non plus bourré à l'extrême, il saura répondre au téléphone, hein, ça, c'est pour ça que j'ai pas de doute là-dessus, mais on sent quand il a un bon coup dans le nez, c'est simple, c'est soit il part dans des discours, c'est le genre de tonton qui a pas envie d'avoir un voisin au mariage. D'accord, mais 20h31, le lundi. On est d'accord, est-ce que le lundi à 20h31, il a déjà commencé à picoler un peu ou pas? En théorie, oui, écoute. Hein. Il boit quoi? Au début c'est de la bière, après c'est beaucoup whisky. De l'eau de Cologne et du fuel et du diesel. La bière et du whisky. Est-ce qu'on a un test précis, Pietre, pour savoir si tonton est bourré? Oui, il y a 2 ou 3 mots à lui faire dire pour à lui faire répéter. Voilà. D'abord on va lui demander la question. Bonjour. Est-ce que t'as picolé? T'es bourré. Et le prénom c'est Dominique. On y va, on appelle Dom. Dom, genre c'est ton poteau. Tout le monde l'appelle Dom. Ouais, Dominique, ouais. Il fait quoi dans la vie? Il est prêté. Il a tout le temps. Et avant, il faisait quoi? Il était commercial. Ça va. Ouais. Allô, Dom? Ouais, c'est qui? Ça va? Hein? Je disais, ça va? C'est qui? Bon, salut, c'est Seb à l'appareil, ça va? Seb. T'es bourré? Hein? Est-ce que t'es bourré? Un peu. Attends, bouge pas. Alors, hop. Je bouge pas. C'est quoi? Voilà. Une petite lampée? Je termine ma Ah oui, faut pas. C'est. T'as picolé? Hein? T'as picolé? Attends, je m'étrange. Ouais! Ouais! Bah oui, c'est vrai. Dom. Tous les jours. Non, c'est pas bien. Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. C'est pas bien, c'est pas bien. Dom, je m'appelle Koé, on est sur énergie. Ça va, Dom? Oui, vous le vendez. Dom? Attends, va. Oui. Je suis allé un peu vite là. Bon, attends, moi je plus doucement. Adapte-toi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Dom. Tu t'appelles Seb. Seb Koé, on est sur énergie.

vous penserez à moi. Ah, je vois. Tu vois ce que je fais. C'est dégueulasse. Un mec s'est fait avaler par les chiottes. Quoi? Je vous explique ça dans un instant. Vous y penserez quand vous irez aux toilettes tout à l'heure. Vous ferez, attends, je fais gaffe quand même, quoi. Il m'a raconté une histoire. Je fais gaffe. Je vais me méfier. Je vais me méfier, on ne sait jamais. Et où est mon super jeu? Oui, ok, mon super jeu. Oh, micro. Il est dans le public. Ah oui, c'est vrai. Merci Stouff. Je retourne ma tête dans l'autre sens. Aujourd'hui, Super Jeu, on a décidé de faire bosser le public. On s'est dit qu'il y avait des gens du public qu'on avait déjà vu, qui ont des bonnes têtes. Ils nous font marrer, ils sont en confiance. Donc Super Jeu, viens avec nous. Allez, viens, déplace-toi. Mais c'est Jeff. Non, oui, c'est vrai qu'on dirait. Il y a un petit côté barbu, chevelu. Voilà. Costume. Le prénom, camarade. Moi, c'est Tanguy. C'est Tanguy. Ça va, Tanguy. Tanguy, oui. Ouais, Tanguy, prends ce micro-là. Mais enfin, écoute, fais un effort, stagiaire. Tu vois bien qu'il a un micro devant. Pourquoi tu lui donnes un micro sans fil? Mais en attendant. Mais tais-toi, tu m'énerves. Déjà, bien. Arrête. Au revoir. Cette voix, elle est agaçante. Continue pas, ris pas dans le micro. Voilà. Excuse-toi. Excuse-moi. J'ai dit tais-toi, pourquoi tu t'excuses? Bah, ça va. Ouais, mais pourquoi tu dis ça va? Attention, hein. Bon, en tout cas, d'où viens-tu? De Lille. Ah non. Je fais un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent du côté de Lille. On va retourner bientôt faire le deuxième One Man au théâtre. On était déjà allé au Sébastopol. C'est un bonheur d'aller là-bas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur de bus. C'est bien ça. Ouais. C'est bien, ça se passe bien. Est-ce que il y a un phénomène, moi, que je trouve absolument incroyable? Parle bien près du micro. Hein. Ouais. Il y a un phénomène que je trouve incroyable et vous penserez à moi. Quand tu vois passer un bus dans une ville, et surtout dans les villes de province, pas à Paris, il y a toujours à côté du chauffeur de bus quelqu'un qui lui parle. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Petite meuf. Toujours, souvent, une petite meuf qui est à côté, qui fait toute la conversation à côté du chauffeur de bus. Ouais, moi, c'est un petit mec. Oui, écoute, chacun son truc. En même temps. Et si une petite meuf qui veut parler, non, dégage. Non. Bon, le super jeu, on va le faire à qui? Alors, à ma meilleure amie et collègue, Marilyn. D'accord, Marilyn, pareil, elle est chauffeur de bus? Elle est chauffeur de bus aussi, elle est rentrée en même temps que moi il y a 5 ans. C'est comment l'ambiance des chauffeurs de bus? Bon, super sympa, une très très bonne ambiance. Mais c'est chauffeur de bus pour les gens ou pour les enfants? Non, pour les gens. D'accord. C'est un peu la RATP. D'accord. Ouais, c'est la RATP, donc c'est pas la RATP. Donc, la 39 ans, elle s'appelle Marilyn. Oui. C'est ça, très bien. Il paraît que vous étiez très proche depuis quelques années, depuis décembre. Elle s'est mise en couple avec un mec légèrement alcoolique. Ah. Légèrement. Ah bon, c'est ce que tu nous as dit. Bah voilà. Qui l'empêche de sortir. C'est bien, c'est qu'en une séquence, on fait un super jeu et le tonton bourré de demain. Alors, il paraît que de ce fait, sa consommation d'alcool a également fortement augmenté. Ouais, c'est super élevé. Ce qui est bien pour un chauffeur de bus. Oui, ouais, c'est extrêmement rassurant. C'est vrai. Et son mec est pilote de ligne. Voilà. Non, il fait quoi son mec? Il risque rien. Oh, en même temps, ouais, ils se plaindront pas les clients. Ouais, en même temps, bon. Donc, tu nous as dit qu'elle est partie vivre chez lui dans le Pas-de-Calais, à une heure de route, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et tu me dis, ils sont à côté de quoi? T'as dit quoi? À une heure de route de son travail et de chez moi, dans un petit village de chômeurs et d'alcooliques. C'est une belle description de l'endroit où elle habite. Ça va durer dans tout le village. Voici les 5 phrases que tu vas dire à ta copine. Première phrase: j'ai vu que t'allais te fiancer avec ton cassos. Félicitations. T'as les phrases? Oui, j'ai les phrases. Voilà. Tu viendras pas pleurer quand tu seras alcoolique comme lui. M'invite pas à ton mariage de merde. Je viendrai pas. C'est dur à faire, hein. T'as vu, il faut que tu parles d'autre chose et tout, et à un moment donné, il faut que tu places les phrases. Hein. Ouais. Faudra pas que tu nous regardes, fais comme si on n'était pas là, on n'existe plus. T'es dans ta conversation avec ta copine, hein. Non, je te le dis pour que tu sois à l'aise. D'accord? Pas de soucis, ok, ouais. Je regarderai la télé pour voir si je te vois pas dans Confession Intime ou La Rue des Allocs. Mais c'est vrai que tout le monde en parle de ce truc, La Rue des Allocs. Ah, c'était là. Génial. Ah, parce que je crois que ça a un peu choqué certaines c'était personnes. Dur. Ah, j'ai pas vu. Et la dernière, allez, ta gueule, va reprendre une bière. Si je peux changer, elle boit pas de bière. Par contre, faut que tu parles près du micro. Okay. On est à bloc au niveau de son micro, là, on est à fond. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Si on peut changer, mettre une vodka plutôt qu'une bière. Ah, si tu veux. Écoute, je ne connais pas les goûts de la famille. Tu sais, nous, cette émission, on est la première de France, mais on s'adapte. Hein. Oui. La bière, c'est au petit-déj là-bas. Voilà. Alors, on peut vous faire écouter le truc ou pas? C'est le moment. Ah oui, c'est le moment, oui. Je fais une pause, le temps qu'on appelle, le temps que tu te remettes les phrases en tête. On a retrouvé un son. Alors écoute, en fait, il est ressorti. La rue des Allocs là? Non. Ils l'ont ressorti en pleine période de canicule. Et ils ont montré, en fait, les reportages qu'il y avait à l'époque, en 1975. Alors, écoutez-moi bien. À l'époque. On est en 1975. Il fait chaud, on est sur France 3 Picardie. C'est ça. Qui s'appelait FR3 à l'époque. Ouais. Et écoutez bien, c'est un truc d'information, écoutez bien le conseil de l'époque. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité National de Défense contre l'Alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Ben oui, normal. Bien sûr. Il fait chaud, dingue, hein. Le Comité National a dit 1,5 litre sans danger. Et c'est le truc contre l'alcoolisme. Les mecs, c'est un truc contre l'alcoolisme, ils te disent quand même 1,5 litre, ça va. Ouais, ça va plus, ça. On est alcoolique, t'as 5 litres. J'ai toutes les phrases. Allez, vas-y, on est parti. Allez, on y va. Et à la fin, je serai avec toi, je serai un pote et on se fout de sa gueule, voilà. Ça marche. Concentration. Marie-Mie, on appelle. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. C'est marrant, elle a une voix de répondeur. C'est incroyable, hein. On va peut-être le couper, par contre. Faut couper, faut couper. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on rappelle ? On y retourne, on y retourne. T'étais dommage, t'étais chaud patate là. Ouais, grave, j'étais au taquet. Ah ouais, j'ai bien vu. J'ai vu ton sourcil comme ça, il est remonté d'un coup, j'ai dit au taquet. Ça. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ça marche pas. C'est l'effet numéro privé, ça. Alors, concernant le casting qu'il faut pour être la personne qui peut monter à côté de toi dans le bus, quelles sont les particularités, quels sont les critères physiques ? Jeune, mince. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. C'est le passé numéro privé. C'est maintenant que tu nous le dis. Envoie-lui un SMS. Ah ouais, tu lui envoies un SMS, bon, je suis en train de t'appeler. L'équipe, vous avez pas essayé avant ? Si, on l'a testé, elle a décroché. Dis donc, toi, tu vas parler moins fort. Quand tu dureras 8 secondes, tu pourras me parler. Bon, enfin, t'as vu comment il est arrogant ? Mais il a raison, mon gars. Lui, il doit flipper quand il entend la chanson du Sundour. Seven, seven, la way. C'est une chanson pour lui. Alors, on va essayer. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est la première. On est de retour. Bon, voilà. Faut pas que tout soit parfait. Vous savez, si une émission est trop parfaite, les gens, ils n'y croient pas. Ils se disent, il y a un truc qui va pas. Elle est fausse. Faut qu'il y ait une petite couille dans le potage. Ou j'ai le numéro de son homme, au pire. Voilà. Attends, ça sonne. Bonjour. On va prendre le numéro de son homme. Alors, rappelons. Tu veux qu'on appelle direct de ton portable, si c'est comme ça? Non, on va le faire. Alors, c'est pas le bon. D'accord. Il est en panique. Ne le stresse pas, parce que c'est comme ça qu'on trouve plus les numéros, on a le doigt qui tremble et on veut taper sur H et on agit. Tu regardes. C'est plus où il en est, il a tout perdu. Dans 3 minutes, il va nous lancer la sextape d'hier. Oh, c'est trop bon là, c'est rien. Avec le méga est jeune et mince. Tu l'aimes bien le joueur de bus. On me dit qu'on a plus le temps. Pourquoi on a plus le temps? Parce que la pub, elle arrive là. Mais parle dans ton micro. Allume-le surtout. T'es réalisatrice, tu devrais bien te dire qu'il y a un truc qui ne voit pas, qu'on t'entend pas. Déjà qu'on ne voit pas. Cette meuf, c'est un fantôme. On la voit pas, on l'entend. Elle est comme ça. On a la pub dans combien de temps ? 30 secondes, là, 25 secondes. Ah ouais, on a plus le temps. Ah bah là, oui, effectivement, ça va être court là. Ah ouais, ça va être très très court. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors attends, on essaie ça dans un instant ? Ouais, on le rentre là, le numéro. C'est le retour. On le fait après. Tout la pub. Va bien. On est là. On le fait après la pub. Il y a l'écran qui marche pas non plus. Bah oui, moi non plus, j'ai pas l'écran. Il fait des sauts sur lui-même. Ah, non, j'étais pas cher, celui-là. Ouais. Ça, il y a eu des prix sur ses discounts cet été, hein. Parce que il marchait bien, il marche plus. À tout de suite, on revient. Koué. 19h, 22h sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like me, it must be a good reason that you're gone. Every

vacances sont terminées, mais je suis tellement content de reprendre le taf et de vous retrouver. Hashtag Jingle Mytho. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, on est là. Avec dans quelques jours celui qui sera de retour, mon Kinvé sera là. Zao aussi sera notre invité, ça va être une tuerie ça. Hey, laissez le couloir. Faut quand même qu'avant qu'on fasse le super jeu, que je vous raconte quand même le mec qui s'est fait avaler par ses toilettes. Ah, alors, hein. C'est les pompiers norvégiens qui sont allés chercher un mec, écoutez-moi bien parce que ça, je savais même pas que ça pouvait exister. Ils l'ont retrouvé coincé dans la citerne des toilettes publiques. La citerne. Où il s'était aventuré en passant par le trou des chiottes pour récupérer son téléphone portable. Ah merde. Le mec s'appelle Kato. C'était pas loin. Ouais, pas loin. On y était, ce Kato. Ouais. Il a 20 ans. Il s'est enfoncé dans la fosse septique par la cuvette. Il paraît que l'ouverture, elle est plus large que dans les toilettes de chez nous. Ouais. Ah, parce que le Norvégien, il fait du... Ça, c'est l'omelette norvégienne. Avec un neutrogena, ça. C'est du bitume. Et il paraît que... Le mec dit, on a d'abord essayé d'attraper le téléphone avec un bâton. Mais ça n'a pas marché. Alors, j'ai sauté dedans. Le gars, il a sauté dans la cuvette des chiottes. En plus, son téléphone, il devait être mort. Et là, il dit... Oui, bah oui. Je suis resté une heure. J'étais paniqué et il a dit il y avait des bêtes qui me couraient sur le corps. C'est dégoûtant. Et je pense que c'est là, quand t'es son pote, que l'expression tendre la main à un ami quand il est dans la merde prend tout son sens. C'est clair. Est-ce que tu le fais? Tu le fais pas? Ouais, non, attends, j'appelle les secours. Non, aide-moi. Non, non, j'appelle les secours. Les secours. Attends, je snap d'abord. Il bon, y en a un qui est tendu. Il rigole même pas tendu tellement il est tendu. Il est tendu comme je suis concentré. Un petit slip acheté trop juste là. Ah, ça y est, t'es prêt? Ouais. Bon, attends, je redonne les 5 phrases. Vas-y, donne-les-moi d'ailleurs, les 5 phrases que tu vas dire à ta copine. Alors, j'ai vu que t'allais te fiancer avec ton cassos. Félicitations. Tu viendras pas pleurer quand tu seras alcoolique comme lui. Pas mal. M'invite pas à ton mariage de merde, je viendrai pas. Très bien. Je regarderai la télé pour voir si t'es pas dans Confession Intime ou La Rue des Allocs. Elle est violente celle-là. Oui, je sais, oui. Allez, ta gueule, va reprendre une vodka. Voilà, c'est bon. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Vas-y, on est souffle là. Un peu. Ça va bien se passer. Super jeu en live dans le studio avec le public. Oui, allô? Ouais, Marie? Ouais? Ouais, c'est Tanguy, ça? Ça va et toi? C'est une galère pour te changer ce soir. Ah, bah écoute, désolé. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis en train de prendre l'apéro avec des amis. Ouais, ok, comme d'hab. Bah écoute. Dis-moi, je t'appelle par rapport à ce que t'as mis, tu sais, sur Facebook ce week-end, et il fallait quand même qu'on discute un petit peu tous les deux. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'allais te fiancer avec ton cassos là. Félicitations. Dis pas que c'est un cassos, arrête, Tanguy. Arrête, Marie. D'où c'est pas un cassos? Le mec, mais il passe sa vie arrête, à picoler, il sort quoi. Pas, il passe sa vie devant la télé, c'est un cassos. Ah oui, et genre quand tu viens, on picole aussi, non? Bah ouais, mais c'est le week-end, pas la semaine. Oui, arrête, et même la semaine, et toi t'es en week-end parce que tu bosses les samedis, dimanches, en semaine tu picoles aussi, abuse pas non plus. Ah ouais, mais lui, en week-end toute la semaine, du lundi au dimanche. Bah il bosse, Tanguy, c'est pas un cassos, arrête. Bah bon, si tu le dis. Enfin, en tout cas, tu viendras pas pleurer quand tu seras alcoolique comme lui, hein. Moi. Bah, rien. T'abuses là, non? Bah, j'abuse, il est lundi. T'es encore en train de boire l'apéro avec tes potes de Divon. Bah oui, là-bas. On est chez des amis, on a invité, je bosse pas demain, et alors? Ouais. Tu bosses pas demain, en même temps, on bosse pas beaucoup en ce moment, hein. Oui, et attends, abuse pas, franchement, Tanguy. Bah, j'abuse pas. Bah, je bosse pas beaucoup, je suis en congé, je reprends mercredi. Enfin, non, mais moi je veux qu'on soit clairs tous les deux. Ne m'invite même pas à ton mariage de merde, je viendrai pas. Mais je vais pas me marier n'importe quoi. Qui est-ce qui t'a dit que j'allais me marier? Parce que je suis fiancée sur Facebook, alors ça y est, je vais me marier, mais t'es malade ou quoi? Bah écoute, qui est-ce qui t'a c'est dit que j'allais me marier? On en a discuté il y a pas très longtemps à la maison quand t'es venue. Je me marie plus, ça y est, j'ai vécu un premier mariage qui m'a coûté les yeux de la tête pour divorcer. Ça va pas, non? Bah justement, t'étais mariée avec un cassos et là tu te remaries avec un gros con de cassos. Mais je vais pas me marier avec un cassos et arrête de dire que Romain c'est un cassos, mais t'as craqué ou quoi? Bah écoute, c'est ma version. Oui, c'est ta version, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça y est, t'es vexé parce que t'as vu que j'avais mis fiancé avec Romain sur Facebook. Ah bah oui, on est censé être très bons amis et j'apprends ça sur Facebook. Mais tu sais comment je marche, tu sais comment je fonctionne sur Facebook, Tanguy. Moi, les gens, je les emmerde. Et je le fais exprès. Ouais, mais là, les gens, ils se foutent de ta gueule aussi. Non, mais genre. Ah si. Ils m'ont dit, t'as vu, elle va se marier avec son cassos. Bah non, je vais pas me marier avec mon cassos. J'ai déjà dit, je me marie plus. De toute façon, tu verras dans pas longtemps. Je vais regarder la télé et je te verrai dans Confession intime ou Rue des Allocs. Ah oui. Attends, répète la fin, j'ai pas compris. Je disais que je te verrais dans Confession intime ou Rue des Allocs. Ah oui, bien sûr. N'importe quoi. Non, mais t'as craqué, Tanguy, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive rien du tout. J'ai juste besoin de régler mes comptes avec toi. Tu me saoules. Ah ouais? Tu me saoules. T'as changé, de toute façon. Depuis, t'as changé. Ah oui, je te saoule. Bah écoute, la semaine dernière, t'es venu à la maison, ça se passait bien, non? Ouais, mais justement, d'être venu chez toi, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Il y a eu 3 bouteilles de vodka descendues sur la soirée. Vous étiez tous déchirés, voilà, moi, ça me gave. Oh, bah écoute, tu me dis que j'ai changé, mais je pense que c'est toi qui as changé quand même. J'ai là, pas non changé. Attends, on se faisait des petites soirées sympas entre amis, maintenant je viens chez toi, c'est que des cassos? C'est bah, cassos, oui, non, goûter? Arrête. Bah non, j'arrête pas. Bah si, là, t'abuses, franchement, je suis choqué. Bah, faut pas être choqué. Bah si, je suis choqué, Tanguy, attends, tu me dis ça, Ah, t'as craqué, là, franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Bah allez, ferme ta gueule et va boire une vodka, va. Pardon? Je dis ferme ta gueule et va boire une vodka. Meilleure. Genre, ferme ta gueule, va boire de la vodka, bah toi aussi, t'en bois de la vodka. Bah oui, le week-end, une fois de temps en temps. Bah non, mais t'as craqué, mais bah, arrête un peu, Tanguy. Il y a Dizzy qui a fermé sa gueule, arrête avec ses cassos, ça picolait, puis c'est tout, hein. Attends, c'est qui parle là? C'est tout, hein, t'as qu'à dire Capicole. C'est Seth qui parle? Non, c'est un pote. Ouais, bah ça. Bah c'est qui? Le colo, je connais bah, pas. Pas que moi, lui. Il fait rire, lui. Il me connaît pas, il me parle. Ouais, c'est une grosse cassos. Je parle pas que sur. Moi, je suis une cassos. Tu sais ce que c'est, une cassos? Sa gueule de 100 mecs, là, une sale tête, on dirait un cul, là. C'est horrible. Bah putain. Mais c'est qui parle là? Vas-y, c'est mort, bon, vas-y. Eh non, mais vas-y, Tanguy, t'es sérieux là? C'est qui parle? T'as vu comme elle est moche? T'as vu la photo ou pas? T'as vu comme elle est moche? Elle est devenue dégueulasse. Ça, elle est devenue dégueulasse. C'est l'alcool. T'as vu la sale gueule de son mec? T'es enculé, Tanguy, ma parole, je te promets, tu me dégoûtes en fait. Quoi, c'est Serge Gainsbourg, alcool. T'es soi-disant un ami? Tu vois que je suis heureuse avec Romain et en fait tu m'en mets plein la gueule. Bah, on était amis avec Jeanlin. On était amis, pardon. Et je te rappelle quand même qu'il y a une semaine, t'étais avec moi chez moi. Ah vas-y, laisse-la se boire la gueule et manger des bénénotes, c'est bon quoi, on s'en fout, hein. Mais c'est qui parle? C'est Stéphane qui parle comme ça? Ah, c'est bon, non, hein. C'est un pote. Pas savoir qui bah, c'est qui? Pas savoir qui je suis. C'est Jérém. Ah, une sale gueule, hein. C'est chez Jérém. Vas-y, Annie, Jérém. Non, je suis pas chez Jérém, je suis chez un pote sur l'île. Ouais, ça va. Bah vas-y, dis-moi, c'est qui? Merde, t'as pas le savoir, Ouais, j'ai pas le savoir, mais il a craqué, lui, ou quoi? C'est bon, à cassos, voilà. Eh, j'habite peut-être à une heure, mais je vais venir, je vais te défoncer ta gueule, quoi, c'est même pas la peine. Vas-y, prends un Sam, hein, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas, hein. Vas-y, hein. Oui, bah oui, genre. Allez, c'est Sam, bon, hein. Bien sûr. Vas-y, tu sais quoi, souffle dans le réservoir ou pisse dedans, tu refasses en borne. Vas-y. Ah, mais c'est quoi ce malade, là? Et Tanguy, ma parole, lui, il faut qu'il se calme parce que je vais venir chez toi, moi je suis pas à 100 bornes près. Hein. C'est un fou, lui. Je te jure, c'est un fou. Ouais, c'est un fou, bah, genre, tu me connais pas. J'ai un fou, moi, vas-y, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Et tu sais quoi, Tanguy, franchement, hein, tu me déçois. Attends, je prends le téléphone. Je prends le téléphone. Et quoi, il y a un problème? Oui, bah oui, il y a un problème. Bah, tu crois que tu me fais peur, toi? Un problème, tu vois qu'il y a une sale gueule, vous avez tous des sales gueules, moi, je peux rien. Une sale gueule? Ouais. Mais ma parole, bah attends, je vais venir, je vais la voir, moi, ta gueule. Ça sert à rien, j'ai déjà vu sur internet, elle est moche, de près, elle va être moche. Ah oui, elle est moche. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bah attends, bien sûr. À mon avis, sans filtre, elle va être pire. Pardon? Ah ouais, parce que tu mets des filtres, je l'ai vu, hein, sur les photos. Je mets des filtres? Ah oui, d'accord. T'as une tête à mettre des filtres? Ouais, bien sûr. T'as une tête à filtre, toi? Toi, t'as une tête à voir un nez de chien avec des oreilles et tout. Ouais, vas-y, c'est ça. Vas-y, parle, toi. Je te jure, je vais venir, je vais te défoncer ta gueule, toi, tu vas voir. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Bah attends, tu me connais pas, tu me juges, toi, qu'est-ce que tu vas parler? T'as une tête de ouin-ouin. Mais qu'est-ce que tu vas parler, s'il te plaît? Tu me connais pas, alors juge-moi pas. Je te juge pas, je dis que t'as une tête de ouin-ouin, Ouais, j'ai une tête de ouin-ouin, bah tu vas voir la tête de ouin-ouin, elle va venir dans 2 minutes, elle va péter tes dents, Et puis ton mec, il a une tête de ouin-ouin aussi, hein. Ouais, bah vas-y, laissez mon gars sur le côté. Non, c'est pas, Alors mélange pas tout, s'il te plaît, parce que tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, ferme ta gueule. Ouais, toi, ferme ta gueule. C'est pas ferme ta gueule d'abord. Eh, non, c'est pas laisser les mon gars, hein, c'est pas ça les paroles, hein. C'est pas laisser mon gars tranquille, hein, c'est. Laissez les coumas. Marilyn? Oui. C'est Koé. On est sur Énergie, pardon, toute la France. Vous êtes des enculés. Ouais. Nous, non. Tanguy était parti par Koé sans moi. T'avais une soirée. Là-bas, t'étais avec ton ouin-ouin. Dans le Nord, t'es mort, mon gars. Ah, t'as qu'à pas prendre l'apéro. Je te jure, t'es mort, Tanguy. T'as qu'à pas prendre l'apéro lundi soir. Bravo mon Tanguy, bravo à toi, je t'embrasse. Putain, je me suis fait niquer. Bisous les filles, bisous ma chérie, à bientôt, je t'embrasse fort et bisous dans le village. Bravo Tanguy. Merci. À bientôt, gros bisous et prudence en conduisant le bus quand même. Dans un instant, le dossier Pokémon Go. Vous jouez pas, vous êtes accro, vous avez fait des bornes, ça vous plaît pas, on en parle dans un instant après Willy William. Tiens, je vais écouter cette chanson parce que ça fait plein de fois que j'entends, je sais toujours pas ce qu'il dit dans le refrain. J'ai bloqué ma voiture pour un vélo. Je vais écouter. Rouler sur ces rues pavées. Ça, je comprends. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, ça, je comprends. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Et après, il dit, je me balade dans Paris. C'est ça, c'est ça. Tiens, ouais. Parce que moi, je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. T'avais pas compris? J'ai compris, je me bats dans Paris. Je me balle. Parce que je me disais, Willy William, se battre dans Paris, ça doit pas être violent quand même. Ok, vas-y, continue de chanter, Jérémy. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. C'est pour plus tard. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Je voudrais que nous applaudissions le premier blanc. Le premier blanc de notre réalisatrice s'applaudit. Vous pouvez la... Ça, ça vaut. Ah, j'avais trouvé tout dans la bouche. Ah, et la console, tu vas te faire engueuler, Mickey. Oh, oh my god. Voilà, ça y est, alors là, t'as un technicien qui revient de... Ah, ah, moi, les mecs de la technique ici, je les adore, mais ils parlent plus. Je les vois de loin, ils agitent les bras, ils font. Oh, putain. Ouais, ça rentre dans Doris, tous les bouts. On avait nettoyé le studio entièrement, mais je te jure, il était propre. Mais c'est vrai, pas, ceci, t'es bien relou avec tes confettis de partout. Ça porte un peu de joie. Non, mais je peux te dire un truc. Mais les gens, ils entendent juste un boom. Est-ce que je peux te dire un truc? Ces confettis de merde, arrête de les acheter. Je ne sais pas où tu les as achetés. C'est que des fonds de cuve. Ouais, en plus, ouais. Ça tombe partout, on en respire, on en machin. Achetez-en des gros, ah non, pas des tout. Mais c'est beau. Elle va rester demain. On repassera ce son. On a ce son, vous l'avez enregistré, j'en ai dans la bouche. Oui, oui, d'accord, ça resservira pour ses parents quand ils nous demanderont ça se passe bien avec ma fille, bien sûr. Ah, j'en ai dans la bouche. Ah, ça va, elle s'y est bien fait, la vie parisienne, elle est contente. C'est bien intégré. Bon, ce blanc mérite quand même un tribunal populaire. Bien sûr. On est obligé. Tu vas donc inaugurer la nouvelle saison du tribunal populaire, puisque là, c'est un très joli blanc qu'on réécoutera demain et tout. Et on va se rebaser sur ah, j'en ai dans la bouche. Pour, bien sûr. Voilà, ça partira de là-dessus. Ah, on va s'en régaler. Allez, on y va. Dossier Pokémon. Oui, allez, c'est alors parti. Que tout à l'heure, nous allons donc finir l'émission de chez un auditeur ou de chez une auditrice. Oui. quelque part. Alors on reçoit plein de messages de gens qui ont dit j'habite Rouen, je vous attends. Ouais, oui, alors, mais bon. Vous êtes beaucoup loin, hein, pour le coup. Oh là là, magnifique. Vous êtes beaucoup loin. Vous êtes beaucoup loin. Ouais, oh là c'est là. Français, mais bon. C'est génial, ton entrée en 5ème, tu l'as fait quand? Bientôt là, c'est début septembre. Vous êtes beaucoup loin. Mais c'est même pas 5ème, c'est CM2. CE2 là. Ah, ta gueule toi. Ouais, vous êtes beaucoup loin. Allez, on fait un bisou à Tiffany. Ça va, Tiffany? Tiffany? Oui. Tu habites où? J'habite dans l'Oise, en Picardie. Oh, c'est beaucoup loin. Oui, c'est beaucoup loin. Bon, t'as 19 ans. Attention, on attaque le dossier Pokémon Go. Alors, je sais que là, ça va être le moment où on va avoir des commentaires par SMS au 611-12 sur Twitter. Ouais, c'est vrai débat, je hashtag pense, hein. Koé saison 7 et tout, toujours en TT, c'est bien. C'est le vrai débat, c'est pour ou contre. Il y a ceux qui aiment, ceux qui kiffent, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Guéguette s'est mis à y jouer. Guéguette s'en branle. Il joue pas, mais ça me fait marrer. Moi, je suis au niveau 3. Mais je comprends rien. C'est juste à chier. Elle était contre, en fait, elle dit, oh, je suis niveau 3. Niveau 3, c'est juste tout pourri. Ah oui, non, mais complètement. J'allume l'appli. Si je vois qu'il y a un Pokémon, je l'attrape. S'il y en a pas, je referme. Ouais, donc toi, on est d'accord. T'es dans ton canapé, il faut que le mec te le mette chez toi. Qu'il vienne chez toi. Faut que monsieur Pokémon, je le mette devant et, ok, c'est bien. C'est exactement ça. Bon, Tiffany, t'aimes bien ou t'aimes pas? Oui. Oh là là. J'aime pas. Ah, t'aimes pas? Pourquoi? Mais ça devrait pas exister, ça. Les gens, ils sont complètement abrutis avec ça. Bah, c'est vrai que ça a eu un succès. Mais c'est quand un même. Phénomène de malade. Ah ouais, c'est un truc de direct. Ils te mettent des messages sur l'autoroute et tout, comme quoi faut regarder la route et pas arrêter de chasser et tout. Mais vous avez pas vu les gens qui en bagnole dans les villes roulent tout doucement? Ouais, c'est ça. Et dès qu'ils en repèrent un, ils s'arrêtent, ils donnent un coup de volant pour pouvoir. C'est hyper dangereux pour le coup, hein. C'est un truc de dingue. Il paraît que chez nous, on a Stouff qui est en mode, attention, super joueuse, hein. Elle a été choquée par tes propos, c'était Tiffany, je te dis tout de suite, hein. Qui c'est qui t'a dit que je jouais? Vas-y, oui, parce qu'elle le cache vas-y, en fait. Elle vaut combien? Elle assume pas. 16. Ça va. Ah, ça va, c'est, oui. C'est, ça va, c'est raisonnable. C'est t'as bien, eu, 16. Est-ce que t'es contente? T'as eu ton bulle bizarre aujourd'hui? Oui, je l'ai eu. T'as eu ton bulle bizarre. Non, c'est psychoquac. T'as eu ton psychoquac, c'est bien. Psychoquac. Il y a toujours les mêmes sinon là, ici. Non, mais attendez. Est-ce qu'il y a des ronflex? Non, c'est des trucs rares. Non, mais ronflex, faut cumuler, non? Il n'y a pas un délire comme ça. C'est un truc de ouf avec un ronflex. Ouais, au Japon. Au Japon. Il y a eu des émeutes de fou parce qu'il y avait un ronflex. Justement. Les gens, ils sont devenus dingues, ils se sont jetés dessus. Ah ouais, quand tu as des ronflex. Et pourquoi? Je sais pas, je lui dis que c'est rare. Parce que c'est rare. Bon, mais Tiffany, t'as essayé d'y jouer ou pas? Ah non. Non. Moi, j'ai essayé. Pour être très honnête. Attends, j'ai pas fini ma phrase. J'ai essayé. Et c'est pas pour moi, parce que je ne suis pas dans les jeux qui durent longtemps. Moi, les jeux, c'est comme les séries. J'ai du mal avec les séries parce que je me suis habitué. Moi, il faut que ce soit bouclé assez vite. Mmh. Et les jeux comme ça où tu vas marcher, ça s'arrête jamais. Il faut en prendre. Je suis pas dans le délire joueur, moi. C'est pas. J'ai essayé un peu. Hein, j'ai eu 2-3 trucs. Puis voilà. C'est pas. Il y en a ici ou pas? Non. Mais il y en a un qui va venir nous voir dans quelques jours. Ah oui. C'est Kinvé. Il est à fond. Mais Kinvé, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point il est à fond. Mais là, on est obligé de l'inventer comme quoi il y avait un ronflex dans le studio pour qu'il vienne. On s'est vu au mois de juillet, genre le 25 juillet. Le mec, j'ai mixé dans un club. Ah. Il est venu à côté de moi. Il me fait regarde, il y en a un à côté. Il l'a eu. Attends, à 200 mètres d'ici, il y a un Pokéstop. Et il est à fond. Les gars, il y en a. Je veux ça. Ah, vas-y, attrape-le. Attends, génial. Il est là. Mais super génial. Il est devant. Fais une photo. Non, mais c'est moi. Immortalise. Voilà. Comment tu fais pour le choper? Tu lances une Pokéball dessus. Tu lances une Pokéball. Pierre, écoute, on va pas tout t'expliquer attends, non plus. Mais toi, hein. Devant, je débarque. Attends, bougez pas, excusez-moi. Il est là. Excusez-nous, il est là où? Attends. On fait la pause. Attends, ça marche pas. Allez, excuse-nous, Tiffany. C'est bon. Voilà. Nous aussi on trouve ça nul, mais on joue quand même. Hein. Attends, non, mais franchement, les gens ils foutent plus rien maintenant. Ils ont que ça à foutre. Non, n'exagère pas, mais là c'était les vacances, ça va se calmer. Je te présente Alexandre à Tiffany. Tiffany, dis bonjour à Alexandre. Salut Alexandre, Tiffany. Alexandre, dis bonjour à Tiffany. Alexandre. Bonjour, Tiffany. Voilà, Alexandre, toi t'es à fond. Il est là. Ah, moi je suis à fond. Oui. Oh là là. T'es quel niveau? Niveau 28. Niveau 28. Oh. Ah oui. Mais comment t'as fait pour être niveau 28? Tu y as joué tout l'été? Tout l'été, oui, tout à fait, tous les jours. Ouais. Toujours, je me promène, hop, dès que je vois un Pokémon, hop, je l'attrape. C'est bien, c'est ludique, ça te fait sortir de chez toi et tout, comme jeu au moins. Tu restes pas devant ta télé. T'habites dans quelle ville? J'habite Petit Couronne, donc nous, on a une ville à côté qui est Rouen. Mais tu dois croiser Pokémon pour attraper. Tu dois croiser Kinvé, mon pote, hein, parce que lui, il est Petit Couronne, en Couronne, Rouen, il est la nuit, vous le voyez, il marche partout. Hein. C'est un festival. Ah bah, Et t'as eu quoi Pokémon rare? T'as eu quoi? Terra. Le Terra le plus rare que j'ai eu cet après-midi justement, c'est celui-là. Ah, je demande à Stouff qui est notre consultant de Pokémon. Un Terra, c'est bien? Attends, je suis en train de jouer. Hein? Attends, on attrape. Un Terra, c'est bien. C'est ouais. Bon, et donc tu t'es baladé. Mais t'as fait que ta ville ou t'es allé ailleurs? Non, j'ai fait plusieurs villes. J'ai fait par exemple Bois-Guillaume. J'ai fait aussi Cantleux. T'es en train de me dire qu'il y a des Pokémon à Cantleux? Il y en a aussi, oui. Il y en a partout. Il y en a plus que d'habitants. Pokémon. Bientôt les mecs ils vont dire Cantleux, nous avons 38 habitants et 2 Pokémon. C'est important quand même. Il hein. s'appelait Paras le nôtre là. Taras. Non, Taras. Si t'es dedans, tu t'es pas insulté en fait. Il n'y a pas des alertes enlèvement quand il y a des Pokémon qui se font kidnapper. Si. Alerte enlèvement, Ronflex, c'est ta chance. Les gars, il y en a un autre. Julie, calme-toi. Allez, tranquille. Mais c'est chelou. Alexandre, Tiffany, ne bougez pas. Dans un instant, nous allons avoir Anthony qui lui ne supporte plus ses potes, qui joue beaucoup avec. On aura Léa aussi, on en parle dans un instant, qui elle a eu du monde qui est rentré à la maison. Ah ouais. Pour suivre tout ça, bouge pas. Attention, Margot. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? Dimitri Vega. Les gros, pas des tout. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Calme-toi, enfin. J'adore ce morceau de Dimitri Vegas. Tu le connais bien, Dimitri, Margot? Les gros, pas des tout. Arrête! Allez, écoutez ce son. Il est énorme de Dimitri Vegas, j'adore. 22h sur Énergie. J'ai pas besoin, de vous dire dans l'équipe qui est Valucucu. Je pense que vous l'avez trouvé. On fait un dossier, on continue le dossier Pokémon Go. On a Anthony, ça va Anthony? Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut mon gars, t'habites où Anthony? À Lille. Allez, bienvenue, on a plein de gens du Nord aujourd'hui. Ouais. Le Sud est fermé ou quoi? Il est en travaux? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en vacances encore. Il y a un problème. Ah bon, ils sont en vacances? Bah oui. Bah ouais, pourquoi pas. Bah dans le Nord, ils sont pas en vacances. Ah, mais il y a du soleil en fait. C'est pour ça, et dans le Nord, il n'y a pas de soleil? Bah si, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de soleil. Il fait nuit. Ça y est, ça commence, les vannes. J'ai rien dit, c'est lui qui n'insiste, c'est pas moi. Bon, Anthony, quel temps il a fait aujourd'hui dans le Nord? Il a fait beau. Voilà. Alors que nous, on a eu de la merde. Oui, il a plu, c'est vrai qu'il a plu aujourd'hui. Anthony, tu joues ou tu joues pas? Je joue pas du tout. Pourquoi? Ah, parce que je trouve ce jeu complètement débile. Pourquoi? Ça renferme les gens sur leur téléphone, ça rend insociable, je sais pas. Moi je trouve ça. Mais ça les fait contraire. Sortir, ouais. Ah, j'ai vu trop de gens qui se parlent, qui se connaissent pas et tout, parce que justement ils jouent, tout le monde échange, c'est un truc de dingue. Justement, t'es pas renfermé, tu vois. Ouais, enfin, tout le monde échange. Moi, j'étais dans un grand centre commercial la dernière fois. Tu vois tous les gens qui suivent leur téléphone et qui se retrouvent forcément au même endroit, là où il y a les Pokémon, ils échangent rien. Et bah, dans les villages et tout ça, je trouve qu'il y a trop de gens qui se parlent. Et moi, je trouve que ça les fait sortir. C'est des gens que tu veux. Ça, c'est vrai. Ils sortaient pas avant, qu'ils restaient chez eux, du coup, ils sortent. Ça, c'est vrai que l'avant, il a raison. Avant, quand t'étais en jeu, en ligne ou en réseau, tu restais sur ton ordi. Là, l'avantage, c'est qu'il faut marcher et aller loin ou en vélo ou machin pour aller les choper. Ça leur fait faire du sport, l'air. Ça c'est vrai, ça te fait, ça t'oblige et à bouger. Ça fait bouger, mais bon, prends un chien, ça te fait sortir aussi. Hein. Et alors, tu peux prendre un chien, tu peux piller, va faire pisser le chien dans l'enchasseur des Pokémon. Non, mais en fait, il y a deux fans de Pokémon du jeu, en fait. T'en as qui jouent vraiment et qui sont en mode on recherche machin, mais ils s'arrêtent quand même à un moment, et d'autres qui passent leur temps à faire ça. Ah, mais ça, c'est mais comme pour les jeux en LAN et compagnie, quoi. En réseau, t'en as après, quand tu prends ta voiture et quand tu t'arrêtes pas du tout et que tu continues sans cesse à chercher. Oui, mais ça, c'est comme tous les trucs. T'as des excès en tout. T'as des gens qui vont y jouer une heure par jour qui vont trouver ça marrant. Puis t'as ceux qui vont y passer leur journée, qui ne s'arrêteront pas. Et comment on est sûr qu'ils les mettent pas dans des endroits dangereux? Parce que on sait pas comment ils arrivent là. Enfin, Pourquoi ils étaient là? Le truc informatique, comment c'est fait? Parce que ça se trouve, le mec, s'il était embêté dans une cheminée ou dans un trou, le mec, dans un, je sais pas, il y a pas des gens qui vont sauter, qui dans vont un puits. Je m'appelle pas Jean-Michel Pokémon, je n'ai pas la réponse. Tu peux l'attraper à 2-3 mètres, hein, t'es pas obligé de te. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a une réponse? Attention, viens ici. Nous avons un geek de fan informatique qui est là. Attention, boule de feu, secret défense. Attention, on t'écoute, donc tu es le chef de la guilde. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je disais, il y a deux cons qui sont tombés d'une falaise parce qu'ils étaient à 10 mètres à peine d'un Pokémon Acera. Si. Ils étaient la première semaine de. Bah de début du jeu. En fait, ils étaient à 10 mètres, ils pouvaient pas là-bas, ils étaient à la limite. Ils étaient à la limite de la falaise. Oh putain, j'ai plus de raison. Et du coup, ils sont tombés. Mais en fait, les compliqués, ils sont cachés, c'est ça, ils sont plus cachés en fait, que les autres. Ils étaient trop loin, il y avait un Pokémon juste devant eux. T'as un peu un physique s'approche. De Pokémon, toi. Lequel? Lequel? T'as un petit côté bulle bizarre. Oh, c'est mignon, les bulles bizarres, non? Oui, évidemment. Donc, vas-y, continue, pardon. Remarque, je préfère Ronflex que bulle bizarre. Ouais. Non, c'est l'inverse, mais je parle. Ouais. Ok, là, je sors. Boule de feu. Alors. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On a plus le temps. On est en train de parler avec ton auditeur. Oui. Bon, ne bouge après, pas, Anthony. Continue. Dans un instant, Léa a vu du monde débarquer chez elle pour chasser des Pokémon. C'est ça, Léa? Oui. Ne bouge pas, ma chérie, on en parle dans 2 minutes. Envoyez vos SMS à Koé au 611-12. Code Koé au début du message. Jason Statham est de retour et reprend du service. J'ai attendu trop longtemps pour avoir ma revanche. Pour la sortie au ciné avec Énergie de Mécanique Résurrection, Énergie vous envoie dans la Cité d'Or. La personne que je représente a une offre à vous faire. Chaque mort doit avoir l'air d'un accident. C'est votre spécialité, non? Je ne fais plus ce genre de choses. Cette semaine, écoutez Marco et Wendy entre 16 et 19h et plongez dans l'univers du film à Dubaï. Énergie vous offre vos tickets de ciné, le transport en avion depuis Bruxelles et vos 4 nuits à Dubaï dans un hôtel 4 étoiles. J'ai passé ma vie à organiser la mort des gens. Toi, je veux organiser ta vie. Mécanique Résurrection, au ciné le 31 août avec Énergie. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Maman, vite, ta carte! Non. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Juste le temps d'un silence. te perds face au mirage. Sans un mot face à nos envies, parano sautant dans le vide. Tu ne sais plus qui je suis. Tout est faux, tant d'efforts sans vie. Toutes ces voix qui nous ont menti. Mais tu penses que je te fuis. Et sur Facebook et pareil sur Instagram. Suivez-moi, Koé officiel, et sur Snap c'est Koé off, C-A-U-E-T-O-2-F. Et puis toute l'équipe aussi, où il y a tous les comptes que vous pouvez suivre et retrouver un petit peu partout. Tout à l'heure on va finir l'émission chez un auditeur ou une auditrice. On va prendre quelqu'un au hasard qui nous a invité, et on finira l'émission de chez lui. C'est notre façon à nous de faire la rentrée, d'aller checker si tout va bien chez vous. Il sera en région parisienne. Si vous êtes bien. Ah bah oui. Ah oui, on peut pas aller. Je voulais aller à Aix-en-Provence. Ils m'ont dit, tu seras jamais en 22h. Il faut qu'on soit bien reçu quand même. Un champagne, escort girl et tout, hein. Ça, pas sûr. Ouais, bon, on verra ce qu'on a. C'est du shampoing, ça ira. Bon, on finit avec les Pokémon. On a toujours Tiffany. T'es là, Tiffany? Oui, je suis là. Tiffany, le Pokémon Go, tu trouves ça nul? Alexandre, Pokémon Go, tu trouves ça Hyper géniaux. Vaut mieux aller à l'école ça avant. Ça semble beaucoup loin de Plus le temps d'aller à l'école, Faudrait que tu chopes Bechfred. C'est un nouveau Pokémon, il est pas mal. Je t'assure, il est bien celui-là. Anthony ? Oui ? Pokémon Go, tu trouves ça comment ? complètement con. Eh bien alors. C'est bien, on a tout. Nous allons avoir Léa. Alors Léa, c'est pas qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Léa? Bah moi en fait, ma mère habite au bord de mer et l'été il y a beaucoup de monde. Et un comme soir, tu te la racontes. Ah non, parce que j'aime pas là-bas alors. C'est où? C'est en Vendée. Bon, c'est sympa la Vendée, c'est quel endroit? C'est à côté de Saint-Jean-de-Mont. Bon, c'est sympa là-bas, j'y suis déjà allé. Oui, mais bon, c'est chacun son truc. Quoi. C'est pas le problème. Bon, c'est sympa quand même. Bon, et alors? Et en fait, il y a un Pokémon un vendéen? Sûrement, je sais pas, a priori. Et en fait, ma mère a vu des jeunes voir escalader le petit muret de chez moi pour aller choper des Pokémon dans mon jardin. Mais c'est ça, il y en a plein qui sont arrivés dans les jardins. Et le problème, c'est que nous, on a un chien et on sait pas comment il peut réagir. Et du coup, il a pas bouffé les Pokémon, c'est ce que j'allais dire. Non mais nous ça nous fait peur parce qu'on se dit que les gens pour ça, moi j'adore, j'y joue, enfin je suis pas accro mais j'y joue, mais j'irai pas chez les gens en fait pour un non, Pokémon. Non moi non plus. De toute façon moi j'ai mis une pancarte attention Pokémon méchant sur mon portail. Ah, tu vas pas te prendre un coup de fusil dans le cul pour aller prendre un Pokémon dans un jardin. Mais c'est vrai, comment ils font pour atterrir, enfin comment ils... Non, c'est pas, on a pas la réponse technique là. Il y a personne, il y a pas. Redemandons à notre copain du dernier rang, s'il te plaît, peux-tu revenir? Merci beaucoup. Comment il les dispatch, comment tu sais, comment ça peut atterrir dans un jardin? Les Pokémon, parce que t'as l'air bien au courant. Bah, c'est assez. En fait, il y avait une polémique. Je le savais, c'est-à-dire qu'il avait une tête à avoir la réponse. Ouais. Dans les banlieues, par exemple, il y avait une polémique selon laquelle il y avait plus de Pokémon un peu de type noir, tout ça. Donc, ça avait c'est une pas polémique. La question. De type, c'était raciste ou quoi. C'est pas ma question. Non, mais tu demandes comment seront répartis les Pokémon. Non, oui, mais pourquoi ils les mettent à des endroits plutôt qu'à d'autres? En gros, comment il y en a un qui s'est retrouvé dans le jardin de la petite Léa alors qu'elle a rien demandé? Parce qu'elle y joue, justement. Bah, parce que c'est réparti de manière aléatoire, sauf qu'il y a des endroits comme les bords de mer où forcément les types hauts se seront plus répandus. Les types quoi? Les types hauts. C'est quoi les types hauts? Parce que pas si rois. Ah, d'accord. Ah oui, forcément, d'accord. Parce que dans les montagnes, il y aura plus de types rochers. Margot disait un truc qui peut être plus plausible. Si tu joues, eh bien, ça génère automatiquement des Pokémon autour de toi. Donc, vu que Léa est. Puis il y a joueurs, puis il y en a là. Elle, forcément, ça a mis des Pokémon dans son jardin. Ah, Loris n'est pas d'accord dans le débat Pokémon. Attention. En fait, ils ont créé ça sur 10 années. Ouais. Et pendant 7 ans, ils avaient une application qui, justement, repérait les lieux où il y avait l'influence. Et en fait, maintenant, c'est automatisé. Et c'est pas en fonction des gens qu'il y a actuellement, mais c'est en fonction des gens qu'il y avait il y a 4 ans. Voilà. Merci, au revoir. Notre consultant jeux vidéo, un truc à dire, à rajouter? Non, mais bravo. Non, c'est vrai que toujours. Non, mais... Et sur les Pokémon racistes, ouais, toujours. Mais alors, tu peux porter plainte, non? Si t'as un Pokémon dans ton jardin et que les gens viennent. T'es sérieux? Non, c'est de la faute des gens, c'est pas de la faute. Attends, excusez-moi, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes. Julie, tu te vois aller au commissariat en disant, excusez-moi, il y a un Pokémon dans le jardin? Non, pas contre le Pokémon, mais contre les gens qui viennent dans ton jardin. Ah bah, ils ont pas le droit, oui. Imagine, toi, dans ton jardin, t'as un Pokémon, tu vois 20 personnes arriver dans ton jardin, ça va te faire chier. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des Pokémon à l'Elysée, je veux dire, ou des trucs comme ça, du coup? On sait pas. Si, je pense. Parce que c'est dans les lieux les lieux touristiques, il y en a plus. C'est là où il y a les Pokéstops. C'est un petit rond en costume assez chaud avec des lunettes. Et tu le chopes, il s'amuse, il dit j'ai pas une bol, j'ai pas une bol. C'est pas un ronflex. Il a beaucoup ronflex. Bon, allez, je te fais un gros bisou en tout cas, Maléa. Je t'embrasse. Oui, moi aussi, gros bisous. Bisous, ma puce. Anthony, à bientôt. Continue de jouer pas au Pokémon. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Je trouve, par rapport au jeu, je trouve un truc super malsain. C'est en fait, ils savent. Le créateur du jeu vidéo, il sait que à l'endroit qu'on se trouve, il y a toutes nos données personnelles. Donc, il peut les revendre à n'importe quel. J'en ai entendu parler de ça. De quoi? C'est quoi le délire? C'est assez malsain, en fait. Et ben, en fait, il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'en fait, ils ont plein d'infos sur toi et ils s'en servent comme base de données pour les revendre derrière. Mais comme tous les trucs internet auxquels tu t'inscris. Enfin, les amis, tous les réseaux sociaux, c'est pareil. T'as déjà vu que sur ton téléphone portable, tu vas regarder, je sais pas, des montres. N'importe quoi. Ouais, et tu verras que d'un seul coup des pubs pour tout et n'importe quoi, t'es dans sur n'importe quel site, les montres que t'es allé regarder comme sur par Facebook, hasard, bang bang bang. Et ils font même ça pareil dans le métro, quand tu passes, ils te balancent des pubs. Et moi, à chaque fois que je passe, il y a des YouPorn partout qui s'affichent. C'est fou mal. Monsieur, le développeur de sexe est arrivé. Non, c'est bon. C'est vrai, mais c'est horrible ça d'ailleurs. Ouais, mais moi, vous verrez, moi je pense qu'il y a un truc, et vous verrez que je suis pas parano avec ça. Je pense que Snapchat, ça fait marrer tout le monde. Le côté où tu te fais digitaliser le portrait là pour te mettre un coup, un nez, un machin. Ah, ouais. Et moi, je suis persuadé que Snapchat est en train de digitaliser tous les visages, faire une base de données de visages, pour faire des robots et pour tout revendre un jour. Et un jour, tu auras des systèmes où tu passeras, on repérera ta tête et on dira Monsieur Machin passé. Et je suis sûr que la base de données des visages, quand ils te le scannent, ils en feront quelque chose. J'en suis sûr et certain. Moi, je suis sûr. Mais du coup, t'auras que des gens avec des bases de données, avec des oreilles de chien et des couronnes de fleurs. Ils ont ta tête. Ah oui. Bon, je te fais un bisou, Anthony. Je t'embrasse. Bisous, à plus tard. À bientôt. Cool, Alexandre, niveau 28, tu me fais le niveau 29, s'il te plaît. D'accord, je compte sur toi. Y'a pas de soucis. Et allez, la team jaune. La team jaune. Ouais, c'est jaune. Y'en a là. C'est quoi la team jaune? Boule d'énergie. Ah, y'a deux types. Tu choisis ta team quand tu t'inscris à Pokémon Go. Julie, tu vas découvrir. Je crois que c'était Koh Lanta. Moi, je suis pour les gens. Quand tu seras au niveau 5, tu pourras choisir ta team et rejoins la jaune. Ils seront nombreux. Ok. Et qui c'est qui gagne en ce moment là? Les bleus et les rouges pour l'instant, mais les jaunes. Julie a choisi la team bien membrée, mais elle la trouve pas. C'est laquelle? C'est les jaunes, les bleus ou les rouges? Bon, allez, à bientôt. Allez, viens. Et bien, également alors. A bientôt, Tiffany. Continue de pas jouer alors. Je te fais un gros bisou. Oui, gros bisou, quoi. Je t'embrasse, aime. Ma chérie. Dans un instant, on va prendre quelqu'un au hasard chez qui on va aller finir l'émission. C'est normal, c'est la première. Il faut qu'on se détende. Il faut qu'on aille la finir chez lui. Oui, ça va mieux. Bon, on est toujours entêté. Oui. Hashtag Koé saison 7. Voici Alvaro Soler. J'adore cette chanson. Elle a la patate. C'est marrant. Koé, c'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, gracieux, timide, simplet, adjoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h-22h sur Énergie. Je suis plus toute seule, il y a Margot maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a Margot. Arrête, silence. J'espère que tout va bien de votre côté, mon guéguette. L'émission était bien, bien ouais, cliqué. Hein. Ça va le public, on n'a même pas vu les prénoms des gens du public aujourd'hui. On n'a même pas su comment ils s'appelaient. Vas-y, fais-moi le premier rang. J'ai envie de savoir, l'homme en short à gauche, qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? Avec ta jambe, qu'est-ce que t'as eu? Il n'est pas allumé. Ouais, petit souci au niveau du genou. Mais bon, ça m'empêche pas de venir te voir parce que je fais de la radio et t'es mon idole de radio, on va dire. C'est toi qui m'as donné envie de faire de la web radio. Eh ben, tu sais quoi, on va le mettre derrière le micro pendant qu'on va chez l'auditeur. C'est vrai, tu t'as la pression, faire de la radio? Ah, pourquoi pas. Au cas où, on sait jamais. On déconne. Hein. Non, mais pourquoi pas. Mais un jour, t'inquiète pas, je te remplacerai. Ouais. C'est bien, c'est l'ambition. Ouais, c'est bien, il a raison. Si tu m'as donné envie de faire de la radio, donc ouais, un jour, je te remplacerai, quoi. Ouais, c'est bien. Pas c'est en course bien. À pied, apparemment. Bon, si on le mettra peut-être derrière le micro pour avec voir comment il se passe. Bon, Guiguette, tu le mettras derrière le micro pour qu'on sera absent. Parce qu'on va aller chez quelqu'un. Moiselle, le prénom? Lorraine. Lorraine? Coquine. 17 ans. Arrête, t'es toute jeune. Une petite cuisinerie. Bon, toute jeune, pas pour tout. Hein. Le garçon à côté? Kevin. Salut Kevin. À côté, le t-shirt. Alessandro. Ça va Alessandro? Ouais, Alessandro. Alessandro. À côté, la demoiselle s'appelle Juliane. Bienvenue Juliane, tu viens d'où? De Mantes. De Mantes, d'accord, super. À côté? Bastien. Salut Bastien. Ça va, tout va bien? Il y a un bruit, ça va très bien. Ça va très bien, impeccable. Et à côté? Il m'avoue un petit peu. Ouais. Et à côté, le garçon? Godefroy. Ça va Godefroy? Hey, Godefroy. Godefroy le Hardy. Oh, morte couille. Quel beau prénom. Ah, dis donc. Oh merde, tes parents, ils ont kiffé les visiteurs. T'as failli t'appeler Jacouille, mec. C'est incroyable. C'est mieux déjà. Je vais faire Godefroy. Ouais, bah, faut mieux Godefroy que Jacouille. C'est son petit frère. Ouais. Qui bouffe par terre, on lui envoie les restes. Hein. Oh merde. Bon, bah, bienvenue Godefroy, t'habites où? Verneuil-sur-Seine. D'accord, très bien. Bon, on a le temps. Appelez-moi un auditeur, s'il vous plaît. On va appeler un auditeur de tous ceux qui nous envoyaient des messages en venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. C'est l'auditeur chez qui on va aller là? Ouais. Bah, c'est qui a, j'espère qu'il va toujours accepter qu'on vienne chez lui. Ouais, ouais. On va finir l'émission chez lui. On va finir la première émission de France chez lui, là-bas à la maison. Ou à l'appartement. Ouais. Ou à la chambre de bonne. Ouais. Ou dans la caravane. Ou sous un pont. Allô? Allô? Quel est le prénom? Comment il s'appelle? Arthur. Ah, je sais pas quoi finir chez Arthur. Ah, ça va, moi, c'est Koé. Ça va, Arthur? Oh, putain, vite, c'est Koé. Crois-moi que quand j'appelle le vrai Arthur, il a pas cette réaction là. Oh. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va. Bon, ça va, alors, bien. Dis-moi, alors, est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont lancé l'invitation en disant si vous voulez vous passer? Oui. Oui, oui. Qu'à cela ne tienne. Tout à l'heure. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que, morte couille, ça marche toujours cette invitation? Le frigo est plein. C'est vrai? À craquer. Ah. T'as quoi à boire? Julie, ça va, je plaisante. Non, il y a dit champagne. Non, c'est une rentrée. Justement, c'est une nouvelle année. Pas d'alcool, s'il vous plaît. Du coca, de la grenadine et du fantôme. Ah, de la grenadine, c'est parfait. Grenadine, bien, là. Et tu vis dans une épicerie ou quoi? T'as tout ça à boire chez toi? Comment? T'as tout ça à boire? Ouais, voilà, exactement. Il y a qui chez toi à la maison? Il y a du monde chez toi? Il y a mon petit frère et ma maman. D'accord. Et c'est une grande maison? Il y a une terrasse et tout? C'est une grande péniche. Ah, c'est une péniche! Ta mère! Julie, elle aime bien les grands péniches. Hein? Julie, les grands péniches, elle trouve ça très sympa. Elle aime beaucoup. Péniche. Elle trouve ça très bien. Bon, alors en plus, écoute, si t'as un grand péniche, on va. Bon, tu viens de comprendre, Margot, il est jamais trop tard. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est pas mal. Bon, ce qu'on va se faire, c'est qu'on se dit qu'on va prendre ton adresse. D'accord. Et on te laisse le temps de te préparer. On arrive dans 6 minutes. Bah, on sait pas où c'est. Dans 6 minutes. Ah oui, c'est vrai, il a mis tout. Ouais, en plus, moi, je dis dans combien alors que vous savez même pas où c'est, quoi. C'est pas une péniche au Havre ou un truc dans le genre? Vous m'avez pas pris des gens qui sont. Mais t'es à Paris. 16. Vous l'avez pris où? Paris 16. Ah bah voilà, Paris 16, ça va. J'enlève ce que j'ai dit. 4 minutes. Voisin. Allez, c'est parti. 4 minutes. Ah oui, ça va. Vers Longchamp, pas loin. Bah, on va peut-être pas donner son adresse, les gars. Là, c'est bien, c'est-à-dire que tout le monde sait où on va. Il n'y a pas qu'une non plus, péniche. Mais ils vont vous voir. Bon, on arrive. On arrive, on finit l'émission de chez toi. Plein de péniches. On va couler la péniche. Tiens, tu voulais savoir s'il y avait des escortes, des trucs comme ça, des trucs. Ouais, ouais, justement. C'est fourni, il y a quoi dessus? Ah non, non, non. Il y a sa maman. Ah, pardon, ouais. Il y a maman. Il y a maman. Reste avec nous, on se fait la fin de l'émission de chez Arthur. On arrive, mon pote. Tu donnes l'adresse et tu donnes tout, d'accord? D'accord, super. Allez, on arrive. On attend. Ouais, d'accord. Allez, à tout de suite. Quoi, chez Arthur, c'est parti. Ah oui. Ah, oh, c'est fabuleux. C'est la première fois que je suis invité chez Arthur. C'est vrai. Ah, c'est quand même incroyable. Ouais, en parlant de ça, vous allez voir une émission qui va passer bientôt. Un vendredi tout est permis qui va passer au mois d'octobre. Ah, tu vois qui t'invite. Vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule parce que ça a été enregistré au mois de mars. Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ou pas? T'étais un peu plus. T'étais deux en fait. Bah, j'avais 15 kilos de plus. Donc vous allez voir un. Ah ouais. Tu peux pas la refaire? Bah si, je vais la refaire que pour moi, ils vont me faire rejouer tout seul. À la base, il y avait la pièce droite, ils l'ont mise d'un côté, du coup ça fait la pièce penchée. Ça vient de là. Donc dans un instant, on part. Il n'y a pas de pub là? Eh ben non. Ben non, là il y a de la musique. Mais il y a toujours de la pub d'habitude, il n'y a pas de pub. Si, dans une minute, ouais. Mais c'est pas ça, mais on se métale, on part, il y a la pub et on arrive chez l'auditeur. D'accord, fais péter tal. Enfin, c'est une façon de parler. Qui sera notre invité mercredi. Mercredi, ouais. Ouais, ça va être bien. Je suis content de l'avoir, notre petite tal. Dans un instant, on va aller donc chez notre auditeur, on finit l'émission de là-bas. C'est ça. Pendant ce temps-là, je joue du piano. Ça me détend quand je suis stressé. C'est la rentrée. On est là. Je m'appelle Koé, tout va bien. On est tout revenu. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs inconscients. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. C'est Gaguette, j'ai mis à peine une émission à récupérer l'antenne. Je suis tout seul sur Énergie. Merci. On va changer les logos, on va tout changer.